Il y a donc aussi des messages qui s'affichent dessus. C'est-à-dire que sur cette pierre, on voit des choses qui s'écrivent. C'est un pager. Ouais, c'est un beeper. Il y a des messages qui s'écrivent et qui disent, au fait, faites ça, il faut marier cette dame, faites pas ça. Envoyez tel chevalier à tel royaume pour le défendre. Et ce côté que, le château du Graal, c'est un peu la centrale d'intervention de Dieu sur Terre. Et t'as en fait un peu ce côté agent secret, c'est le shield un peu, et en fait, c'est la pierre du Graal, c'est genre le Tesseract qui leur donne les instructions des puissances divines pour un peu faire ce qu'ils doivent faire, quoi. C'est ce côté... Non, mais c'est vraiment ça, c'est ce côté très, le Graal est là pour servir un peu de conduit plus ou moins direct, que ce soit en termes de nourriture et en termes de savoir, en fait. Il me dit, oui, tatati, tatata, le Graal, en fait, c'est une pierre incandescente. Quoi? Mais vous nous avez jamais parlé de ça? Bah non. Mais pourquoi? Ça dépend des sources, mais je crois bien que c'est un chevalier de Provence. Très exactement, c'est Provençal le Gaulois. Bah non, c'est moi, ça. Comment ça, c'est vous? Le Graal, c'est une vraie saloperie, méfiez-vous. Un jour, c'est un vase, une semaine après, c'est une pierre incandescente. Yvain? Gauvin. Gauvin? Que signifie incandescente, seigneur Perceval? Incandescente, c'est qui peut accaparer des objets sans ressurgir sur autrui. Bon, vous connaissez le chapon? Ah ouais, c'est bon ça. Ça a de la saveur. Bah, moi, c'est pareil. Vous avez de la saveur? Mais non, je suis castré, comme le chapon. Je crois que je vais gerber. Rex Quondam, Rex Quae Futurus, épisode 20, le Parsifal de Wolfram von Eschenbach. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quondam, Rex Quae Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Et pour conclure cette deuxième année d'émission arthurienne, nous allons aujourd'hui nous attaquer à un terrain linguistique qu'on a un peu négligé jusqu'ici, c'est-à-dire le côté de la littérature médiévale allemande. Oui, on s'est pas vraiment penché. Il faut dire aussi que c'est pas notre spécialité. On a aussi beaucoup de la littérature arthurienne, disons des premiers temps, se fait en français et bien sûr en gallois et un petit peu en anglais. On a vu un peu d'anglais. Mais effectivement, au fur et à mesure, évidemment, que la matière de Bretagne s'est popularisée, on a fait des traductions. Et l'Allemagne a été un terreau assez fertile. Il faut dire qu'on n'est pas très loin, effectivement, de la Champagne de chrétiens. Il y a des familiarités. Le Saint-Empire n'est pas forcément très éloigné de beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui la France. Enfin, il y a beaucoup de terres qui sont très françaises aujourd'hui qui font en fait partie du Saint-Empire au lieu de faire partie de la France. Il y a des francophones dans le Saint-Empire et du coup, il y a des voies de passage, des connexions. C'est un monde qui est beaucoup plus aussi, disons, interconnecté qu'on peut se l'imaginer. La Champagne et les foires de Champagne sont un des grands terrains de passage des marchands européens. Donc, il ne faut pas oublier cet aspect-là aussi. C'est vraiment un carrefour européen. Et il faut dire, on a déjà mentionné dans les légendes de Tristan et Iseult ce qui a pu être préservé par des adaptations, des traductions allemandes. On avait mentionné Eilert von Oberge. On a aussi deux, trois personnes qui précèdent celui qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire Wolfram von Eschenbach et son Parsifal. Il y a deux, trois, je pense qu'il y a probablement une dizaine d'œuvres avant lui, arthuriennes, dans la littérature allemande, et puis il y a d'autres passerelles. Et il les mentionne assez explicitement, donc il mentionne plusieurs fois les aventures d'Yvain, de Lancelot, avec certaines aventures perdues d'ailleurs. On ne sait pas, la plupart des. Je crois pas que on n'a pas de Lancelot. Les seuls qui ont vraiment survécu, on a celui de Ulrich von Satzikoven qui est probablement écrit avant Parsifal. Mais les principales qui sont connues et ceux qui citent le plus, c'est les traductions qu'a fait Hartmann von Eyde de Erek et de Yvain justement. Il y a probablement aussi un Cligès qui a été traduit parce qu'on sait qu'il mentionne régulièrement Cligès. Après, c'est possible que Wolfram ait pu lire le français aussi. Hein. Oui. Ça semble envisageable. Il utilise beaucoup de mots français en tout cas. Genre, il va dire qu'elle a un Beakurs, un beau cœur, ou il va dire qu'il est courtois. C'est un peu un Wainabou comme ça. Non, ça, il y a beaucoup de petits mots français qui parsèment le texte. Ou plutôt que de dire, pour dire que c'est le fils du roi, on va dire les fils rois ou les fils cons, le fils du comte. Il y a les beaux corps des amis. Voilà. Et des amis, il y a régulièrement des mentions comme ça. Quelques mots empruntés à cette littérature. Il mentionne plusieurs fois que les personnages s'expriment en français aussi. Il dit, ah là, ils sont en train de parler en langue française. Donc il le situe dans le monde arthurien francophone, en tout cas perçu comme francophone, et là il l'adapte pour son public. Et ce qui est rigolo, c'est que ça passe, on va le voir, par une translation un peu, parce que la matière de Bretagne, encore telle que Chrétien la relate, on peut assez bien la localiser, disons, sur l'île de Bretagne. Mais à partir de Wolfram, on est vraiment dans une temporalité et d'une géographie qui est totalement différente, qui n'est plus du tout rattachée à cette espèce de post-empire romain et l'île de Bretagne en tant que telle. On voit, on est plus dans une géographie, disons, un peu fantaisiste, d'une Europe un peu fantasmée, un peu à la Tolkien, une proto-Europe un peu légendaire, où on peut aller d'un endroit à l'autre sans nécessairement prendre le bateau. Oui, oui. Il n'y a pas vraiment de disons, on sent qu'il est pas, il se sent pas vraiment obligé de donner des lieux absolument réalistes comme certains continuateurs de Chrétien le feront. Je pense que c'est aussi intéressant de préciser la raison pour laquelle on vous passe pas tellement de temps sur ces œuvres qui le précèdent, c'est que pour beaucoup elles sont pas très différentes en fait des œuvres qu'elles traduisent. Elles traduisent bien évidemment un bagage culturel différent, une façon d'écrire différente. Alors évidemment Wolfram et ses prédécesseurs écrivent comme Chrétien dans des couplets rimés, mais la versification est donc assez similaire, mais le ton de la poésie est très différent. On utilise beaucoup plus de... Tu plaisantes quand je parle de germanité, mais c'est vrai qu'il y a une certaine... un caractère tout à fait germanique, une façon de parler qui est tout à fait différente de la littérature française, qui est beaucoup plus proche de la littérature anglaise de la même époque, qui la précède. On parle disons, beaucoup de structure des phrases, si on regarde une traduction qui préserve ça, est très présente, notamment l'usage de Kennings, donc de paraphrases qui désignent un peu des personnes, même pas des surnoms, tant que des façons de parler des gens en composant des mots un peu, en parlant de leur personnalité, qui sont assez uniques parfois à l'auteur, propres à l'auteur, en tout cas c'est le cas pour Wolfram. Et peut-être aussi, de ce fait-là, vu qu'il y a beaucoup de périphrases pour se référer aux gens, paradoxalement, on leur donne plus de noms pour être sûr qu'on identifie bien les personnes. Alors, ce qui peut s'avérer très confusant quand on a plusieurs personnes qui ont le même nom, déjà. Il y a des paragraphes, ça devient une espèce de soupe de prénoms, et puis ça devient très difficile de suivre qui est parent de qui, je trouve, pour certains passages. Alors que chez Chrétien, par exemple, vous avez beaucoup de gens qui ne sont pas nommés, où ça va juste être une le vavasseur, une vierge, la princesse, un ermite. Mais où ça ne pose pas de problème, tandis que chez Wolfram, il y a une surdose de détails qui rend, à mon avis, ça presque plus difficile à suivre, ironiquement. C'est plus difficile à suivre, et je pense que ça aussi, la conséquence, c'est que le monde de Chrétien, le monde même des continuateurs de Chrétien et des versions en prose, beaucoup plus archétypal. Alors que là, on disons, c'est notre monde, mais d'une façon un peu presque iconique, simplifiée. Alors que chez Wolfram, on est dans un monde à part, mais qui est beaucoup plus riche, ou qui veut être beaucoup plus riche en termes de densité, de lien entre les personnages, même si paradoxalement, il fait presque plus fictionnel, en fait, par cette surabondance de détails. C'est marrant parce que j'ai presque l'impression que c'est il est à Chrétien ce que beaucoup d'écrivains de fantasy moderne sont à Tolkien, en fait, d'une certaine façon. C'est la version totalement, pas caricaturée, mais presque. C'est vraiment une version prend tous les caractères un peu plus extra de Chrétien, puis qu'il les met à double régime, en fait. Tu me disais, on a presque l'impression qu'il est en train de se moquer de ces Français qui se font tout le temps la bise, parce qu'à chaque fois que des gens se rencontrent, ils s'embrassent et ils se prennent dans les bras, et au bout d'un moment, quand on est à la 50e description de ce genre d'interaction, on se pose des questions. Pareil pour la description des émotions, qui est toujours qui est un peu à fond les ballons par rapport à... Tout est mieux que partout ailleurs. Il y a vraiment, tous les chevaliers sont formidables, ils sont tous au plus valeureux les uns que les autres. C'est la femme la plus belle de tous les temps, à part celle du paragraphe précédent, mais elle est plus belle que toutes les femmes de... Oui, il y a beaucoup, toutes les damoiselles sont les plus belles, tous les chevaliers sont les plus beaux, tout le monde est le plus noble. Il n'y a pas vraiment de méchants aussi dans l'histoire. Il y a quelques figures un peu négatives, mais même quand il y a une guerre entre deux personnes, on prend bien le soin de nous présenter qu'en fait ils ont toutes des bonnes raisons. Même les païens sont pas présentés comme des gens sanguinaires obsédés par l'idée de tuer des chrétiens, c'est des gens comme les autres. Il y a un côté beaucoup plus on a l'impression, et alors on n'a pas beaucoup parlé de l'auteur pour l'instant, mais on a l'impression qu'on est dans une espèce de monde un peu différent quand même. L'auteur ne vient pas du même monde que Chrétien, ne vient pas du même nombre que les clercs qui ont pu écrire les récits arthuriens avant ça, même les dames qui ont écrit avant ça. Et c'est peut-être aussi ça qui fait la caractéristique de ces romans allemands. La raison pour laquelle on a pris Parsifal, c'est que son auteur, Wolfram von Eschenbach, donc, y insère un peu une mythologie un peu différente. Et que ça va donner naissance à sa propre continuité, à son propre monde. Le Graal de Wolfram n'est pas le Graal de Chrétien, ça c'est assez clair. Et ça va avoir une postérité assez importante, Parsifal, notamment à travers Wagner, évidemment. Mais plus généralement, dans cette culture un peu germanique, justement. Et c'est peut-être pour ça que c'est plus intéressant de parler de lui plutôt que de l'Erek ou du Yvain de d'Hartmann. Il amène plus de différence, disons. Oui, bon, il faut dire aussi, c'est une des œuvres les plus populaires, les plus recopiées de la littérature médiévale allemande. C'est une des œuvres qui... Alors, le nombre de manuscrits n'est pas complètement sûr. Daniel Buchinger dit qu'il y a 80 manuscrits complets, 77 fragments, ce qui me semble un peu, peut-être beaucoup. Toi, t'as, trouvé, t'as ouais, l'impression alors que c'est un peu moins, mais en tout cas... C'est le Handschriftensensus qui est mené par le... Alors, par plusieurs institutions allemandes, nous donne un total de 87 manuscrits, dont certains, enfin de 87 manuscrits, ou disons unités manuscrites, dont certaines sont séparées, donc il y a le même texte original qui a été divisé, dont les pages ont été divisées en plusieurs institutions, et sur ces 87, 17 sont des codex complets. Ce qui me semble plus proche de ce que me dit Cyril Edwards dans son introduction à sa traduction à Oxford University Press. Donc, je sais que Daniel Buchinger est une savante réputée, donc je ne vais pas trop mettre en doute sa parole, mais c'est possible qu'elle ait eu une petite confusion dans le texte là. Oui, ou la phrase est un peu mal construite, peut-être. Parce qu'il me semble, elle parle de 80 manuscrits et puis. Peut-être qu'elle veut dire 80 manuscrits, dont. En tout, dont une certaine sont fragmentaires. Après, c'est des fragments, c'est toujours difficile. Est-ce que c'est, quand on parle de fragments, ouais, on parle de 10 pages ou est-ce qu'on parle de la quasi-totalité, mais il manque le début, il manque la fin, quoi. Ouais, c'est, ou il manque c'est... le milieu. Bon, surtout que le Parzival, c'est aussi un texte qui est extrêmement long. On a dit le Conduiral de Chrétien III, c'est 9000 vers. Le Parzival, c'est 25000 vers. Donc vous êtes dans, basiquement, trois fois plus long. Et donc ça explique aussi peut-être l'état de conservation un peu fragmentaire si on l'a partagé en plusieurs manuscrits. Si on l'a, Et c'est ça qui est intéressant, c'est que malgré les 25000 vers, il ne va pas beaucoup plus loin que le récit de Chrétien, en fait. Il non. s'arrête, finalement, il finit le récit de Chrétien. Il le suit d'assez près jusqu'à la fin, mais il ajoute une bonne dose d'introduction au début et il finit le récit assez rapidement après disons sa rupture chez Chrétien. Par contre, il prend beaucoup plus de temps sur chaque chose. Il est beaucoup plus disert. Il faut dire aussi que ses vers sont un peu plus courts que ceux de Chrétien. Après, bon, c'est de l'allemand, donc c'est plus dense, nécessairement. C'est du moyenno-allemand, pour être très exact. Et c'est écrit, effectivement, comme Chrétien, on l'a dit, dans des espèces de couplets rimés. Donc c'est pas nécessairement extrêmement différent de Chrétien dans la forme. On est un retour vers le vers par rapport aux versions en prose hein, qu'on a vues récemment. Que dire d'autre sur Wolfram von Eschenbach lui-même, peut-être c'est un personnage, disons, dont on sait peu de choses. Il semble être soit de Bavière, soit... Son dialecte, c'est du franconien de l'Est. Il se réfère régulièrement à Wir Bayer, donc nous les Bavarois. Donc il y a une espèce d'idée qui vient de Bavière. Il y a un endroit en Bavière qui s'appelle Wolframs Eschenbach, qui s'appelait jusqu'en 1917 Ober Eschenbach, près d'Ansbach, dans la Bavière actuelle, donc, qui se revendique être le lieu de naissance de Wolfram. Mais c'est assez disputé, d'autant qu'il y a au moins quatre autres places qui s'appellent Eschenbach en Bavière, et Wolframs Eschenbach, qui est l'actuel, donc... qui se revendique le naissance, ne faisait pas partie du duché de Bavière à l'époque de Wolfram. On peut peut-être dater un peu. Apparemment, il aurait été dans l'entourage de Hermann Ier, qui meurt, je crois, en 1217, qui était Landgrave de Thuringe et comte palatin de Saxe. Donc, il va faire référence à ça. Il fait référence un peu à ce genre de hiérarchie. Genre, il va par exemple parler de Landgrave, ce qui est quelque chose qu'on ne trouverait pas. Mais d'ailleurs. Enfin, parfois, ça s'est utilisé pour référer des personnages, mais il en parle beaucoup dans le contexte où il parle du monde culturel de son époque. Il fait de fréquentes références à d'autres poètes, à d'autres auteurs. Il vient d'un monde qui est celui du Minnesang. Donc, c'est un Minnesinger, c'est-à-dire un chanteur d'amour. C'est l'équivalent des troubadours et des trouvères français, mais c'est un côté peut-être plus, c'est comme plus proche des troubadours peut-être que des trouvères, parce que il a vraiment ce côté, c'est souvent des nobles, des chevaliers, ces Minnesinger, c'est les Minnesinger plutôt. Il est d'ailleurs, oui, c'est un chevalier. Il nous dit littéralement qu'il est un Ritter, littéralement un chevalier qui fait partie de la, je crois qu'il dit la classe du bouclier, ou en tout cas il dit que, et on voit à certains moments qu'il fait partie qu'il développe cette espèce d'idéologie martiale. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui chez Chrétien étaient déjà un peu, on se rappelle que chez Chrétien, dans le Conte du Graal, Gauvin, à différents moments où il est mis dans des situations où sa courtoisie est un peu mise à l'épreuve, typiquement, on le prend pour un marchand, on le prend pour un changeur, etc. Là, ça, on va vraiment insister là-dessus. C'est-à-dire qu'on va avoir des scènes où Gauvin, fait des trucs, par exemple il fait usage de savoirs médicaux, ce qui montre d'ailleurs que justement Wolfram s'intéresse à ce genre de choses, s'intéresse et est quand même assez éduqué pour l'époque, c'est un chevalier mais il reste quand même intellectuellement formé, où il connaît des choses en médecine de son temps, mais quand Gauvin le fait, il y a une dame qui va, l'orgueilleuse, qui va lui dire « Ah mais vous pourrez bien gagner votre vie avec tout ce savoir, parce que quand même c'est quand même déshonorant de gagner sa vie avec un salaire, c'est quand même un peu déshonorant d'être un marchand, un changeur, un médecin ou un... » Elle traite aussi au 20 pages, donc il y a un peu l'idée « Ah moi je suis un chevalier, je fais pas ce genre de choses-là. » Bon après, il est éduqué, mais il revendique d'être analphabète. L'idée serait que son poème a été pris sous sa dictée. Ouais. C'est une idée qui a été pas mal développée. Thomas Mann, dans La Montagne Magique, nous dit que, selon lui, le plus grand poète du Moyen-Âge, Wolfram von Eschenbach, ne pouvait pas lire ni écrire. Ce qui me paraît un peu improbable. Ça a l'air d'être une revendication un peu... Je veux dire, il y a quand même des traits où on montre qu'il s'intéresse aux pierres, à certaines peut-être notions d'alchimie, peut-être certaines notions d'astrologie, où il connaît notamment les noms dérivés des noms arabes des planètes. Il connaît. Donc, est-ce qu'il a, bien sûr, on peut apprendre tout ça sans savoir lire et écrire. Et puis, il peut avoir une source qui lui donne ça. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui disent qu'il a une méconnaissance, par exemple, du français. Il utilise beaucoup de mots français, mais il l'utilise de façon un peu déformée. Ce que je pense pas nécessairement être un indice qu'il ne parlait pas bien français ou qu'il savait pas ce qu'il faisait. Ça peut tout à fait être le cas qu'il dérive ou qu'il déforme délibérément des mots français, ou qu'on le fait aujourd'hui. Certains vont être très, amusants, avec une tendance à faire des étymologies bizarres. Hein. Merci Laurent Deutsch, on l'a vu récemment. non, mais il y a ce côté un peu ambigu, effectivement, autour de ces revendications. D'autant que quelqu'un qui... On aime beaucoup l'idée qu'au Moyen-Âge, on ne savait pas lire, même les rois ne savaient pas lire. Un chevalier poète, c'est quand même relativement improbable qu'il n'ait pas... Surtout que là, on voit dans le roman, on voit que Gauvin sait lire et écrire, on voit que Arthur et Guenièvre savent lire et écrire, et il insiste dessus. Donc il montre quand même, justement, le modèle du chevalier Gauvin qui justement écrit une lettre à Arthur, et, comme un grand, et puis à la cour, c'est Guenièvre qui arrive à la lire. Donc... Je sais pas s'il serait vraiment un alphabète, mais c'est pas impossible. Alors, il a aussi écrit d'autres œuvres, que le Parsifal, un Titurel, donc qui est un fragment actuellement, il y a peut-être une version plus longue qui n'a pas survécu, qui est une espèce de préquel. Titurel, c'est l'arrière-grand-père de Perceval, oui, il me semble, qui est c'est un peu l'autre, c'est le vieux roi pêcheur, mais dans sa version à lui, ça fait Will Hyel. Bon, alors, ce qui est assez heureux, parce que la version de Wolfram a l'avantage de compresser pas mal de choses et de faire des personnages avec des relations quand même plus claires que chez Chrétien, notamment entre le vieux roi pêcheur et le roi pêcheur. Il y a cette idée, effectivement, que ce Titurel est un peu une préquelle au conte du Graal, qui explique en fait l'arrivée du Graal. Il a aussi écrit un Wilhelm qui est pas fini, qui est basé sur une chanson de geste en vieux français qui s'appelle Alice Kant, qui survit dans beaucoup de manuscrits aussi. Et puis on lui attribue 9 chansons en termes de poésie lyrique, 9 chansons dont plusieurs qui sont des chansons de l'aube, qui sont des chansons qui racontent comment un chevalier passe la nuit avec son aimé et le lendemain chante une chanson pour célébrer cela. Et il y a ce côté qui est très... Et je pense que ça indique aussi peut-être... Je ne sais pas si c'est une variation allemande. Je connais assez mal la poésie lyrique allemande et la poésie en général, médiévale allemande. Mais il y a un côté beaucoup plus charnel chez Wolfram. Oui. On sent qu'il est beaucoup plus profane au sens technique, disons. Il est beaucoup moins attaché aux choses... de la religion, il en parle, il a quelques discours, il y a quelques discours sur la Trinité, sur Dieu dans son œuvre, mais c'est beaucoup plus secondaire. C'est beaucoup plus secondaire dans un terme dans la vie de tous les jours, j'ai l'impression. Et puis pas très orthodoxe par moment. Oui. Il va proposer des choses qui sont un petit peu pour quelqu'un qui serait un clerc ou un ecclésiastique. Enfin, déjà, le Graal, c'est pas super orthodoxe comme théorie, on est d'accord, mais il y a peut-être une tendance plus facile à effectivement... À dépeindre des relations qui ne seraient pas considérées comme chastes ailleurs. Notamment, Perceval ne dort pas chastement avec son aimé dans cette version. Ouais, il tombe amoureux de 15 femmes successivement, alors que d'habitude, c'était soit l'homme d'une seule femme, soit c'était justement un marbre de chasteté. Le nombril d'une vierge. Non, il y a ce côté beaucoup moins chaste en général, et puis il y a beaucoup moins de considération pour ces idées que... Il faut être chaste, non, ça pose pas spécialement de problème, il semble. Plus ou moins, parce que justement, autour de la compagnie du Graal, il y a l'idée qu'il y a des impératifs de pureté. Justement, c'est pour ça que Amfortas s'est fait blesser, parce que le Graal, en fait, est apparemment une espèce de machine eugénique qui prescrit qui le roi du Graal doit aimer. Et comme Amfortas n'a pas respecté ça et qu'il s'est précipité pour l'amour d'une dame sans considération pour les souhaits du Graal, il a été blessé. Et on nous dit que justement, le cortège des dames qui s'occupent du Graal doit être pur. Donc là, il y a l'idée de pureté. Et je pense, j'ai écouté un peu toutes les théories de Joseph Campbell où il fait un peu ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il a fait des conférences où basiquement il raconte l'histoire de, comme on va le faire dans un instant, il raconte l'histoire de Parsifal. Il le fait pas forcément mal. Il a une interprétation assez personnelle, on va dire, parce que ça lui permet de mettre sur un piédestal son individualisme européen, contrairement au christianisme asiatico-sémitique qui a oppressé l'âme libertaire de l'Europe. Et mais il y a des passages où je pense de son résumé où il a à peu près raison. Notamment justement sur le fait que c'est une vision très différente, bon il est pas du tout le seul à avoir remarqué, mais c'est une vision très différente de l'Église, c'est une vision très différente de comment devrait fonctionner notre relation à Dieu, là où on est dans un Occident qui est de plus en plus en train de penser au pouvoir automatique des sacrements, c'est-à-dire qu'on a toute cette question, cette querelle sur est-ce que si le prêtre est corrompu, avachi, avili, est-ce qu'il peut quand même donner la messe ou faire ça, puis on commence à développer l'idée que les sacrements ont un pouvoir en eux-mêmes. Et là, il fait quelque chose qui est assez différent, il va dire non, c'est pas vrai, le Graal, on peut s'occuper que de gens qui ont une valeur morale exceptionnelle. Donc il y a une idée d'élitisme qui justement s'oppose à ce qui est la tendance qui commence à s'installer dans le monde ecclésiastique à ce moment-là, qui est justement qu'en fait non, même si le prêtre c'est un débauché, c'est pas très grave, parce que le sacrement lui-même a un pouvoir. Et là où on a des, comme on a vu avec la Quest del Saint Graal, avec le Père Lesvos, où on a une contemplation de l'Eucharistie qui est extrêmement forte, là on n'a pas du tout ça. On n'a pas de grande vision du Christ sacrifié, le Graal n'est pas vraiment... Le Graal n'est pas lié au Christ, surtout. Le Graal n'est pas lié au Christ ou au sacrifice du Christ. Donc on n'a pas du tout cette espèce de mystique qui touche vraiment aux préoccupations du clergé à ce moment-là. On a quelque chose qui est beaucoup plus proche de... C'est pas dur de voir pourquoi, c'est très populaire dans les lectures ésotériques de cette œuvre, parce que justement, on capte pas vraiment de ce qui se passe. Mais le Graal a justement cette origine où il a été descendu du ciel par des anges neutres. C'est les anges qui, pendant la guerre la guerre céleste entre Lucifer et Dieu, c'est les anges qui auraient choisi de pas choisir de côté. Et du coup, ils ont été bannis aussi pour leur attentisme et ils auraient amené cette pierre sur terre. Mais on n'a pas non plus toute l'histoire sainte du Graal avec Joseph d'Arimathie. Donc ça passe un peu à la trappe. Oui, il y a ce côté beaucoup plus neutre par rapport à la relation du Graal à Dieu est très différente. Il est saint. Il est la chose la plus sainte, mais il n'a pas le pouvoir. Son pouvoir n'est pas lié au sacrifice du Christ ou au Christ lui-même. Il y a quelques idées autour de la Trinité, autour de l'amour de Dieu, mais c'est beaucoup plus vague. L'idée que, par exemple, le Graal nourrit est très présente là-dedans. Mm-hmm. Le Graal est vraiment comme une couronne d'abondance. Il va prodiguer justement ses bienfaits à la compagnie du Graal, mais c'est vraiment de la nourriture. Il y a justement ça qui est rigolo, alors que chez chrétien il y a cette idée que c'est ni poisson ni lamproie, ni saumon ni lamproie, c'est juste une hostie, voilà. Là c'est beaucoup plus matériel, quoi. C'est associé aussi avec une certaine richesse. On a presque l'impression qu'il y a une espèce de réaction, une espèce d'idée de pauvreté matérielle qui amène à la richesse spirituelle, alors que là c'est littéralement la richesse matérielle et la richesse spirituelle, ça va main dans la main. Il y a un côté un peu j'ai pas envie de dire évangile de la prospérité, parce que c'est pas non, mais il y a une côté proto-protestant là-dedans quelque part. Oula. Finalement enchaînons sur justement, il a probablement lu les deux premières continuations où il y a ces motifs qu'on retrouve, justement le motif très nourricier du Graal et la résolution du problème du château de la merveille. Du château de la merveille. Ce qui change vraiment pour son œuvre, en fait, on va dire, c'est surtout le début et la fin. C'est-à-dire qu'on va avoir le début où il va nous raconter l'histoire du père de Perceval, Parsifal, qui va aussi engendrer un autre enfant, Féréphis, en Orient, puis ses aventures en Orient, un peu. C'est ça vraiment le début qui nous explique, qui est assez différent de celui de Chrétien. Et c'est toujours un type très aventureux, mais là, qui a été tué au combat. En Orient, donc à une période de croisade et où la croisade imprègne vraiment les idées, c'est pas forcément anodin. Ensuite, il y a toute l'aventure telle qu'elle est racontée par Chrétien. Quelques différences, on va essayer de vous les mentionner. Et puis la conclusion de la quête du Graal, où justement Parsifal, après avoir échoué une première fois, est rappelé par le Graal qui dit finalement tu es assez digne par ta valeur, tu as réussi par ta pénitence et ta valeur, c'est pas entièrement clair qu'est-ce qui a le plus... Peut-être la réunion avec Ferfis aussi qui joue là-dedans. La réunion avec Ferfis et son héritage, mais aussi le fait que son oncle soit porté garant pour lui, puis il a un peu fait... Il y a un peu, on sait pas exactement pourquoi, mais toujours il arrive à devenir roi du Graal, et ça nous raconte la fin qui est qu'il va engendrer la lignée de Brabant, donc c'est-à-dire en fait Godefroy de Bouillon, donc le premier croisé, le premier roi de Jérusalem, ce qui est vraiment pas anodin, qui est lié à cette légende du chevalier du cygne Laurent Garin ou Laurent Grain. Et de l'autre côté, Ferefiz va engendrer le prêtre Jean. Donc on est vraiment perdu dans cette idée de la croisade, enfin je dis perdu, mais on est vraiment plongé dans cette idée de la croisade, où on a vraiment d'un côté Perceval, un des fils de Gamuret, qui va engendrer le premier croisé qui va aller fonder Jérusalem, et de l'autre côté, son demi-frère païen, qui est d'ailleurs qui est noir et blanc, tacheté comme ça, va engendrer le prêtre Jean, qui est ce fantasme européen qui commence à émerger au cours du XIIe siècle, puis il y a des lettres forgées qu'on fait dans l'entourage de Barberousse, etc. C'est un personnage qui vivrait en Orient, donc au-delà de l'Inde, et qui serait chrétien. Donc est-ce que ça a été évangélisé avant? Est-ce que c'est un apôtre qui a été là-bas, fondé un royaume? Il est très lié aux Mongols, genre des fois on va imaginer que c'est le grand Mongol, le roi des Mongols, qui est en fait le prêtre Jean, et c'est lié à l'idée justement où les chrétiens envoient beaucoup d'émissaires, les Français envoient beaucoup d'émissaires. En général, les Français n'ont aucun scrupule à aller s'allier en général avec l'Orient, hein, avec les Mongols, aucun problème. Même après, à la Renaissance, il y aura beaucoup d'alliances entre les Turcs et les Français. Oui. L'Empire ottoman ne pose pas de problème. Donc Et aussi, il y a l'idée que le grand Khan, le Mongol, les Mongols peuvent être chrétiens, et il y en a certains qui le sont. Oui, il y a des Nestoriens notamment qui ont beaucoup converti là-bas. Il y a beaucoup de concubines chrétiennes qui sont, qui font partie de la cour des empereurs mongols, donc c'est pas tout à fait sans fondement, mais donc on a même si ça donnera pas grand chose en vrai. L'idée derrière le fantasme du prêtre Jean, qui est un bon roi chrétien qui est dans l'Orient, c'est clairement l'idée qu'on va prendre l'islam en tenaille, donc l'idée que on va devoir faire la croisade, puis on a ce petit bout de Palestine où on essaye de s'accrocher puis on n'y arrive pas, mais c'est pas si grave parce que depuis l'autre côté du monde il y a de l'aide qui va venir et puis qui va les prendre pas. C'est pas compliqué, c'est effectivement c'est assez logique de penser comme ça quand on sait que pendant les croisades justement se déroulent en même temps que les conquêtes mongoles qui vont repousser, qui poussent derrière elles d'ailleurs les tribus turques qui vont d'abord prendre contrôle de l'Empire ottoman, puis après, enfin de l'Empire ottoman, pardon, de l'Empire byzantin, les Seljouks, qui vont prendre contrôle du califat. Qui vont peu à peu devenir la puissance dominante et qui après vont de leur côté être aussi attaqués et détruits en partie par les tribus mongoles qui arrivent de l'Est. Non, on peut comprendre le genre de fantasme. Et donc on a vraiment cette idée que Parsifal et son demi-frère vont vraiment engendrer ce qui va basiquement détruire l'islam. C'est assez clair que c'est un peu ça l'idée, on est vraiment dans cette idée. Même si Parsifal, son idée pour les musulmans, c'est clairement la conversion. C'est, ils doivent se convertir et on doit les amener à la chrétienté. Après, ce qui est rigolo, c'est qu'il n'y a pas du tout... Ça, c'est une dépiction qui est peut-être beaucoup plus... J'ai pas envie de dire réaliste parce qu'elle n'est pas réaliste, mais qui est par rapport à l'idée que les Sarrasins sont juste des païens, c'est pas le méchant Sarrasin mangeur de chair humaine horrible. Non, c'est ça, il y a un côté qui est très... c'est des païens, ils connaissent pas Dieu, mais on peut tout à fait traiter avec eux, on peut tout à fait avoir des enfants avec eux même, on va le voir. Donc c'est pas... sur le long terme, c'est pas... Ils visent à être convertis, bien sûr. Et ils vont être convertis comment ? Par le sexe. Par le sexe, par l'amour. C'est vraiment l'idée qu'ils vont tellement vouloir s'allier, se marier avec les chrétiens, qu'ils vont devoir embrasser la nouvelle religion. Wolfram, c'est vraiment un lover, donc c'est vraiment sa stratégie. Oui, c'est ça, j'avais résumé ce Perceval en disant ça, c'est vraiment la version Tchad, parce que tout le monde est un... Vous savez, l'opposition, ce même, du Virgin X et du Tchad Y, donc le Tchad est la version bien meilleure. Là, c'est tout le monde, c'est le monde des Tchads. Tout le monde est plus Tchad les uns que les autres. C'est vraiment des Parsifal Fox. C'est vraiment, tout le monde est super beau, super bourrin. C'est vraiment ce côté un peu jacked up, tu sais, d'à peu près tout, qui rend la chose aussi assez rigolote à lire par moments. Je pense qu'il faut mentionner que l'idéologie de la croisade imprègne vraiment le roman, notamment avec le rôle qui est donné aux Templiers, qui est un ordre qui a fait d'autres choses, mais dont le destin est profondément lié à l'idée de croisade et au destin des croisades, et, qui est créé théoriquement pour protéger des pèlerins, qui va avoir un rôle énorme dans les croisades. Et là, ça devient les Templiers qui sont les gardiens du Graal. Enfin, c'est les Templiers. J'ai l'impression que Templier est utilisé un peu dans un sens générique ici, oui. Plus que, c'est pas les Templiers, mais les gardiens du Graal sont des Templiers au oui. sens général. C'est voilà, c'est bon, c'est peut-être qu'ils voilà, ils pensent peut-être à aux croisés ou aux différents types de chevaliers. C'est un ordre. Oui. L'idée est clairement que c'est un ordre de chevalerie un peu oui. plus qui va plus loin qu'un simple groupe de chevaliers. C'est pas oui. simplement une confrérie d'amateurs. C'est vraiment un ordre au sens assez profond du terme. Et ça nous permet d'ailleurs de dater un peu l'œuvre. Il y a des événements, il mentionne des événements qui sont très proches d'événements contemporains, notamment le siège d'Erfurt qui se passe en 1203. Je crois qu'il mentionne, il parle de la destruction de vignobles, je crois. Il y a eu des épisodes où il y a des vignes qui avaient été détruites pendant le siège. Il mentionne aussi un événement assez connu, le sac de Constantinople en 1204, où les croisés, ce sont un événement assez connu, où les croisés se sont un peu retournés contre Constantinople, instaurer un état. Un peu, disons, ça a probablement pas aidé l'Empire byzantin dans cette période, mais il mentionne ça. Ce qui me fait assez rire, parce que justement, je me rappelle j'avais écouté une conférence de Joseph Campbell sur ses œuvres, notamment, puis il parlait de l'amour et les romances françaises du XIIe siècle, le Parsifal, le Graal, il dit que vous pouvez aller dominer n'importe quel peuple, peu importe votre nom ou votre ascendance, et puis que vous devez leur interdire de vous demander votre nom, mais les aider à obtenir leurs droits ou à obtenir la justice. Ah, c'est plus beau que la Magna Carta. Puis quelqu'un qui l'avait confronté et qui lui avait dit, ouais, mais est-ce que c'est pas un peu... Il n'y a pas une idéologie guerrière et violente et destructrice et assez affreuse derrière tout ça. Et comme il a fait, non, pas du tout. Je parle juste des romances françaises du XIIe siècle. Ce qui était très de mauvaise foi, parce qu'il venait de parler du Parsifal, qui est, je pense, un des romans les plus imprégnés par l'idée de croisade dont on a parlé jusque-là, avec peut-être le Père Lesvos, qui est plus violent. Parce que c'est clair que le Père Lesvos, là, vous avez des massacres de masse et tout, ce qu'il n'y a pas du tout ici. Mais là, vous avez quand même un roman qui est très, très, très marqué par l'actualité, par des fantasmes de l'Orient et par ce genre d'idées. Peut-être parler un peu du destin du Parsifal avant de commencer à en discuter. C'est un texte qui a été un peu redécouvert dans les années 1750. C'est un savant suisse, Johann Jakob Bodmer. Donc, je ne crois pas qu'il est... Je ne sais pas s'il est parent de Martin Bodmer, le collectionneur de livres, mais enfin, il y a vraiment une redécouverte de Parsifal à ce moment-là, et alors comme partout, hein, comme pour tous les textes allemands, les Allemands sont les pros des pros à l'édition et tout, l'édition de référence pour Parsifal aujourd'hui, qui est éditée encore régulièrement, hein, on est, je crois, à sa 6e édition, c'est l'édition qu'on a fait Karl Lachmann, c'est donc considéré comme une édition moderne, hein, tout à fait, elle date de 1833, et c'est toutes les éditions à l'heure actuelle sont basées sur cette édition en fait, hein. Ouais. Les éditions standard en allemand, je crois que la dernière version date d'à peu près des années 50, peut-être qu'il y a une réimpression, mais c'est une dernière grosse révision, je crois. Vraiment, hein, c'est impressionnant de monolithisme quand on dit que quand on trompe sur une édition des années 1890, même 1920 en France, on se dit ouais, c'est peut-être un peu ancien. Ouais, ouais. En allemand, non, aucun scrupule, c'était des éditions 1833. Bon, c'est aussi le fait que ces éditions étaient de grande qualité. Il y avait une culture philologique peut-être plus grande en Allemagne. Des grandes œuvres comme la MGH datent de cette époque-là aussi. Mais ça explique aussi peut-être que très vite, ce soit ces œuvres qui imprégnaient notamment Wagner. Bon, Wagner, il fait un peu n'importe quoi avec le Parsifal. Il fait n'importe quoi, mais il a quand même fait un Parsifal et un Lohengrin qui sont basés sur cette œuvre, quoi. Il faut dire que ça a créé toute une tradition du Graal dans les pays de langue allemande qui est un peu différente. Vous avez eu justement le Titurel, le Jungerer Titurel, le Rappelsteiner Perceval. On en parlera au fil de l'émission, bien sûr. Vous avez aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, le Livre des Aventures. Des Lohengrin et des œuvres assez tardives en fait qui continuent assez loin dans le temps à reprendre cette tradition et à fournir une version un peu différente. Vous avez aussi le Prosa Lancelot, des adaptations du Lancelot Graal mais qui vont intégrer certaines idées de cette tradition lancée par Wolfram. Et il faut dire que le Parsifal a eu, on a parlé de ces manuscrits, il y en a qui sont justement, il y a pas mal de manuscrits de papier. Donc, qui montre que c'est assez tardivement au XIIIe, XIVe, beaucoup de manuscrits de papier du XVe siècle même. Et il y a notamment un imprimé de Strasbourg de 1477, dont il reste 37 exemplaires. Donc, on a aussi une diffusion par l'imprimé assez tardivement, ce qu'on trouve aussi pour certaines œuvres françaises. Je pense par exemple au Perse Forest, le Lancelot Graal va aussi être imprimé, même si de toute façon le Père Lesvos va être imprimé. Bon, aussi, le grand texte imprimé qui a connu sa diffusion grâce à l'imprimé, c'est Le Mortel d'Arthur de Malory. Qui a survécu, qui nous est arrivé juste parce qu'il a été imprimé. On n'a pas trouvé son manuscrit les années, je crois, 1920. Donc c'est un de ces textes qui a aussi bénéficié de cette impression. Donc il a été redécouvert au 18e, mais il a quand même réussi à survivre. Il a été diffusé quand même jusqu'à à ce que l'impression puisse un peu prendre le relais. Puis c'est juste qu'il y a effectivement une déshérence totale au 17e, enfin à partir du 16e, 17e, les gens s'intéressent plus tant que ça à la littérature arthurienne, ou s'en intéressent très différemment. Mais il a été victime de ça comme tout le monde, mais c'est vrai que ça reste une œuvre très importante pour la littérature allemande en général. Et qui a beaucoup marqué Wagner, au point que même en plus de faire Parsifal et Lohengrin, toute l'histoire de Tannhäuser, c'est une histoire de Minnesänger, où Wolfram von Eschenbach est un personnage. Mmh. Wolfram apparaît dans les... bon, c'est un baryton, donc chez Wagner, il n'est pas si important que ça. Chez Wagner, soit t'es une basse, soit t'es un ténor. Mais si t'es un baryton, c'est le contraire de l'opéra italien, c'est un baryton. Ouais. Mais enfin, il apparaît, c'est un personnage secondaire dans Tannhäuser, donc Wolfram lui-même. Donc c'est une culture qui a beaucoup, beaucoup marqué Wagner, au-delà hein, de ses œuvres directement arthuriennes. Et c'est aussi une culture où se mêlent beaucoup d'influences germaniques en général, hein, les Nibelungenlied, il y a... Oui, la saga des Nibelungenlied est mentionnée avec quelques... Siegfried est mentionné à un petit moment, il y a deux, trois... Bon, des noms comme Sigun, par exemple. Ouais. On a mentionné les textes allemands qui précédaient, donc Iwain, Erec, mais il mentionne aussi par exemple l'Énéas romain, donc le roman d'Énée qui avait aussi été une grande influence française. Bah là, sa traduction va l'influencer. Mais c'est clair qu'il mentionne aussi deux, trois épisodes où on ne sait pas à quoi il fait référence. Genre, il mentionne un chevalier qui apparemment récupère une flèche dans un poteau et bat un lion dans une salle de réception. C'est très Mad Libs prose vulgate en fait. Ouais, c'est ça. C'est, il a vraiment. On a l'impression franchement, ça m'étonnerait même pas qu'il se moque et puis qu'il ait inventé ça pour se moquer de ses lecteurs. J'en avais-vous pas entendu l'histoire du chevalier qui chopait une flèche dans un poteau? Oui, parce que vous allez voir, il a un ton extrêmement sarcastique souvent. Il a un ton intéressant, disons. Il est beaucoup plus présent dans sa narration que les chrétiens, par exemple. Oui. Donc il y a aussi de ça. Hein. Ça aide, ça fait l'intérêt de l'œuvre aussi. On va le mentionner un instant. On peut peut-être dire un mot sur. Les éditions du texte, celles qu'on a utilisées justement. Oui, alors c'est des traductions en fait, hein, qui se basent de nouveau sur les versions, disons les rééditions modernes du texte établi par Lachmann, toujours. Hein, donc il y a pas trop de. On n'est pas très. C'est extrêmement pas néo-bédiériste, hein, c'est clairement très lachmannien comme approche. T'es obligé de le faire avec les textes allemands. Après, je suppose qu'il y a peut-être un intérêt philologique allemand qui revient, mais on serait pas forcément au courant, quoi. Pour ma part, j'ai utilisé la traduction, donc je voulais mentionner, de Cyril Edwards. Alors, elle a été publiée d'abord dans une édition, je pense qu'elle a dû être publiée par Oxford University Press à la base, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que non, pardon, elle a été publiée par Boydell & Brewer d'abord, et donc elle a été ensuite publiée dans la collection des Oxford World Classics en 2006, il me semble, donc c'est... Bon, ça fait un moment qu'elle est là. Elle est très solide, je trouve, comme traduction. Elle est dense. Elle reprend beaucoup de la syntaxe de l'allemand. Alors, l'inconvénient, c'est qu'elle est en anglais, évidemment. Donc, ça permet peut-être quelques, disons, structures de phrases que ne permettrait pas le français, qui sont plus proches de la version allemande. Mais en tout cas, c'est très lisible. C'est très complet. Vous avez peu de notes, mais elles sont suffisantes. Et une introduction brève, mais assez utile. Donc je vous la recommande si vous voulez la lire, d'une traduction qui va vraiment très près de l'original. Hein. Il va délibérément, par rapport aux traductions, il y a deux traductions antérieures en anglais chez Penguin et chez Vintage, respectivement dans les années 80 et 60, et les deux étaient beaucoup plus, modernisées, alors que là, Cyril Edwards va beaucoup plus chercher à avoir une structure, et notamment en rendant les mots, les néologismes de Wolfram d'une façon très, très littérale. Quitte à avoir ce côté un peu mystérieux, ça rend pas mal l'esprit du texte, je trouve, qui est assez intéressant. Et toi, t'as une traduction française ? Oui, côté français, vous devrez vous reporter aux travaux de Daniel Buchinger. Moi, j'aurais tendance à dire Buchinger, mais apparemment, comme on est en France, on francise, donc on dit Buchinger, qui a écrit... Honnêtement, je pense qu'elle en a écrit plus que celle que je suis au courant, mais je connais au moins trois traductions qu'elle a fait, trois ou quatre traductions. Elle m'a publié une en 1989, 1989, aux éditions 10-18, les vieux amis de l'émission, qui n'est pas une édition complète. Elle fait les livres 1 à 6, 9 à 14 et le livre 16, donc c'est principalement l'essentiel de l'histoire de Parsifal et un peu de l'histoire de Gauvin au Château de la Merveille. Elle a publié en 1990, donc l'année suivante, l'histoire de Gauvin, donc c'est le contraire, je pense, c'est ce qu'elle a pas publié dans cette édition-là, pas traduit dans cette édition-là, on va parler juste de l'histoire de Gauvin, donc le tournoi de Mélian d'Ulysse, ce genre de choses. En l'an 2000, elle a publié une édition avec Jean-Marc Pastré et Spivock au Centre d'études médiévales de l'Université de Picardie, qui est un peu différente de celle que j'ai lue. Enfin, je l'ai consultée par curiosité. Elle est beaucoup moins facile à trouver parce qu'elle a été faite à un tirage un peu universitaire comme ça. Et puis en 2010, chez Honoré Champion, dans leur collection Les traductions des classiques du Moyen-Âge, toujours avec Jean-Marc Pastré. Je ne sais pas ce qu'il fait à ce stade-là, parce que bon, il est un peu, je pense, spécialiste du texte à ce moment-là. Est-ce qu'il fait le café ou est-ce qu'il... Je ne sais pas trop. Non, il a aussi contribué une introduction au texte. Elle a publié, donc Honoré Champion, ça vous fait quand même 700 pages, mais vous avez une bonne introduction d'une centaine, 150 pages, où vous avez une bonne introduction au texte, ses manuscrits, ce qu'il pense être la composition du texte, qui m'a semblé un peu spéculative, mais c'est peut-être que je m'y connais pas. Je m'y connais pas, donc c'est peut-être que j'ai de la peine à être convaincu. Et qui mentionne aussi la tradition du Graal dans les pays de langue allemande, donc la succession du Parsifal, quelles œuvres il y a eu, une introduction très enrichissante, qui d'ailleurs elle a développée. Donc c'est une introduction de 150 pages, elle a pris son introduction puis elle en a fait un livre à part en 2017 qui s'appelle Le Graal dans les pays de langue allemande, aussi chez Honoré Champion, 2017. Donc où là, si vous voulez une introduction à cette part de la littérature qui est vraiment moins souvent couverte, c'est-à-dire que dans les textes récents parus là-dessus, bah, j'ai celui-là, les fameux de l'Université du Pays de Galles, où vous avez le Arthur of the Germans, qui a quand même une série d'articles assez solides là-dessus. Mais là, vous avez quand même, si vous voulez, un livre de sa part sur ce sujet qui vous fait un panorama de cette littérature-là, vous avez aussi ça. Mais donc, c'est une traduction qui m'a semblé parfois assez dense. Je pense que c'est difficile à traduire en français et de rendre comment ça donne en allemand. J'avoue qu'en le lisant, je sentais pas du tout le rythme des phrases. Le rythme de la poésie est complètement perdu pour moi. Bon, mais ça, c'est inévitable. Pareil, la traduction d'Edwards est en prose aussi, hein, donc c'est assez... C'est pas trop grave, mais c'est inévitable. C'est dommage, je trouve, qu'il n'y ait pas de traduction bilingue, parce que ce serait quand même intéressant, mais c'est vrai que ça prend déjà beaucoup de place, donc est-ce que c'est possible? Oui, c'est un texte extrêmement long, quoi. Mais je pense que ce serait pas impossible. Il fait 25 000 vers. En plus, c'est Honoré Champion, c'est des pages assez épaisses en papier bible. Disons dans la collection, dans une collection un peu plus fine. Oui. Tu pourrais tout à fait éditer ça à la Pléiade. Il pourrait tout à fait, je pense, y avoir un volume de Pléiade, de Parsifal et peut-être des textes successeurs comme le Junger et Titurel, le Rappelsteiner Parsifal en bilingue. Surtout que là, vous avez l'édition de Lachmann, donc il n'y a pas grand-chose à oui, c'est ça, c'est bien établi, quoi. Pour le texte allemand, il n'y a pas beaucoup plus de travail à part mettre les pages en vis-à-vis. Donc voilà, une assez bonne traduction, assez disponible, récente, elle a 8 ans maintenant, de ce texte en français. Un peu difficile d'en trouver d'autres français. Ça reste un des plus faciles, parce que pour Erec, par exemple, ou Iwein de Dartmann, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Wolfram, c'est un peu le seul texte allemand qui est... disons très édité, très publié. Honoré Champion, j'ai été surpris de voir qu'ils ont quand même fait, ils ont quand même publié certains de ces textes, donc on va pouvoir vous en parler malgré notre mauvais niveau en moyen-allemand. Voilà. Gérard, d'ailleurs, je remarque quand tu parles d'introduction, les introductions des textes en anglais, en tout cas les versions semi-grand public, donc Champion, Oxford World Classic, ce genre de traduction, les introductions sont souvent assez limitées, alors qu'en français, même les traductions grand public, même les lettres gothiques vont avoir des introductions de bonne qualité, assez longues, qui n'ont pas peur de, disons, passer 15-20 pages sur l'établissement du texte, alors qu'en anglais, on limite ça à un minimum. C'est presque manuel, c'est pas assez amateur. C'est ce côté un peu très... on met pas trop les doigts dans les rouages, qui est un peu dommage parfois avec les versions anglaises. Je pense que c'est une introduction qui met plus en contexte qu'elle ne développe vraiment. C'est-à-dire qu'on va pas vraiment avoir un établissement des manuscrits, parce que justement on dit « Oh, c'est Lachmann, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire ». Mais on parle pas tant de ça, et puis justement, c'est pas... Ah bon, donc quand même, il y a un truc assez général. Mais enfin, en général, les introductions françaises sont toujours plus désertes, même sur le contexte général, même sur les œuvres comme ça, plus que les trucs basiques. Je pense que c'est plus une espèce d'introduction mise en contexte et un peu début d'explication de texte qu'autre chose. Que déjà plus que ce que proposent les versions anglaises. Ben, on va faire une petite pause musicale et du coup, on va plonger aux origines de Perceval ou de Parsifal, plutôt, avec les premiers temps et les premières conquêtes de son père, selon en tout cas Wolfram von Eschenbach. Alors donc sur Wolfram commence son récit non pas avec le Perceval chez sa mère comme chez Chrétien, mais avec la naissance et les premiers temps du père de Perceval. Alors on est de Parsifal plutôt. On est dans une dimension qui est extrêmement germanique là pour le coup. C'est comme les sagas islandaises en fait qui ont tendance à pas beaucoup aimer faire des flashbacks ou avoir une temporalité un peu compliquée. Dans les sagas islandaises, quand on nous raconte l'histoire d'un héros, on va commencer à raconter l'histoire de comment sa famille en est arrivée là et on va pas du tout réserver ça pour un flashback plus tard où on va lui expliquer ça. C'est vraiment on doit expliquer toute l'origine jusqu'à la naissance du héros. Quitte à faire des références à ça plus tard, mais comme ça on a bien expliqué tout le fondement, toute la base. Et c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans la littérature scandinave en général, et ça m'a amusé de retrouver cette structure-là qui me rappelle vraiment beaucoup ça. D'ailleurs, le texte en lui-même aime pas beaucoup faire des flashbacks en général. Quand quelque chose se passe, elle se passe peut-être en parallèle, mais on va pas revenir dessus en expliquant exactement ce qui s'est passé, de la même façon qu'on nous raconte pas, par exemple, ce que Perceval a fait quand Gauvin est le focus de l'histoire plus tard. Là, on est vraiment dans une succession de temporalités de A à un point B. Relativement peu complexe, mais qui fait qu'on commence par un texte extrêmement original en fait. Oui, surtout que l'histoire de Perceval à la base, il y a quand même une partie de drame familial et de questions de Perceval sur ses origines, c'est-à-dire qu'une large part de l'énigme du Graal, c'est Perceval qui rencontre justement une part de sa famille qu'il connaît pas. Donc le fait que ses origines soient décrites un peu de façon exhaustive alors qu'elles étaient très lapidaires chez Chrétien, ça change un peu de ton. Il faut dire, Wolfram commence pas immédiatement par l'histoire, il commence par introduire une métaphore que je trouve assez drôle et assez significative dans son style, c'est qu'il aime beaucoup faire des métaphores filées et se laisser un peu emporter par sa métaphore. Donc il commence par dire que la vie est un peu comme une pille mêlée de noir et de blanc, de bien et de mal, donc une axiologie assez simple comme ça. Mais il dit mais peut-être que la pille que je vais vous chanter est trop rapide pour mon auditoire, elle va vous passer au-dessus de la tête. Parfois on a l'impression qu'il répond un peu à des critiques qui sont faites qu'il est trop obscur ou qu'il est trop allusif ou qu'il est trop qu'il est un peu trop étrange dans son style, je sais pas. Mais haters continuent à affirmer que je suis trop intelligent. Oui, c'est ça, il y a un peu de ça. Et donc il commence par ça. Une des choses qui va revenir au fil de son roman, puis je pense qu'il faut mentionner, c'est qu'il prétend que l'histoire de Chrétien n'est pas la vraie histoire. Peut-être que ça explique aussi pourquoi son texte est aussi long. Mais il dit Chrétien ne nous a pas raconté la vraie histoire, je vais raconter la vraie histoire, ce qui est quand même assez courant en littérature médiévale comme procédé. Mais lui, il affirme avoir trouvé une aventure authentique, un conte authentique qui aurait été rapporté par Kyo le Provençal d'un manuscrit qu'il a trouvé à Tolède. Donc on se rappelle que c'est là qu'on avait eu beaucoup de contacts avec des textes arabes et des traductions arabes de textes grecs lors de la Reconquista. Et lui, il dit que c'est un manuscrit arabe copié par l'astronome Flegetanis, musulman par son père et juif par sa mère, mais converti au christianisme, donc voilà, c'est pas sans espoir, et qui a un astronome copié par un Provençal que lui, il aurait vu et puis que Chrétien aurait obscurci, mais lui, il va vous donner la vraie vérité vraie. C'est marrant la collection Provençale, parce que pour le coup, c'est une connexion très Saint-Empire romain. La Provence, c'est une zone qui est plutôt... qui est dans la sphère d'influence du Saint-Empire plutôt que de la France, d'une certaine façon. Donc c'est intéressant que cette connexion bypasse complètement la Champagne et Chrétien, finalement. C'est une manière comme une autre de dénier l'authenticité de la version française, une façon d'établir en fait la légitimité de la version de Wolfram. Donc l'aventure compte 16 livres, 16 chapitres si on veut. Les deux premiers que je vais vous présenter maintenant sont consacrés à Gamuret, qui est donc Gamuret le père de Perceval. Alors il quitte son royaume natal pour chercher la gloire au service du Baruch de Bagdad. Alors Baruch, est-ce que ça dérive de l'hébreu Baruch, qui veut dire le béni, le béni ou, voilà. Peut-être, probablement que le Baruch de Bagdad, c'est le calife de Bagdad ou le sultan, on sait pas trop. Alors, régulièrement, il y a des utilisations, par exemple, le Marumalin qui est utilisé pour désigner les chefs des musulmans, qui semble parfois dériver clairement de mot arabe. Marumalin, c'est clairement l'amir al-Mumin, le chef des croyants. Faut préciser aussi que Gamuret vient d'Anjou. Oui, son nom c'est Gamuret Angevin. Il est en fait le fils du roi Gandin d'Anjou. Et Gandin d'Anjou avait deux fils, et l'un d'eux est son frère aîné Galoès. Et Galoès en fait est généreux parce qu'il lui propose de partager son royaume avec lui. Mais Gamuret refuse et va donc du coup se mettre au service de princes étrangers pour gagner sa vie en fait. Oui. Il y a cette dimension assez. Et c'est là qu'on commence à avoir déjà le ton assez rigolo. C'est que dès le début, une situation qu'on pourrait penser chez Chrétien, ce serait son frère aîné ça aurait été un traître ou l'aurait exilé ou aurait fait quelque chose comme ça. Non, là chez chez Wolfram, c'est vraiment, c'est un bro. C'est... Non, il est vraiment trop sympa. Tout le monde est vraiment trop sympa. Tout le monde est très sympa. C'est très... super pas, sympa. C'est Alain Morisot, exactement. C'est super sympa. tout le monde est super sympa. Super sympa. Et ce côté qui vient d'Anjou, je trouve ça aussi très, très rigolo, finalement, parce que c'est... Ouais, il y a Perceval qui vient d'Anjou. C'est comme si un peu... tu vois, Lancelot vient du Loir-et-Cher. c'est... Non, ce côté très terroir, comme ça, que je trouve assez rigolo. Que du Finistère. C'est ça. Il décide de partir, il veut pas partager le royaume, mais il se dit je vais juste aller à l'étranger proposer mes services. Donc il y a déjà une idée un peu de, pas forcément de croisade, mais croisade adjacente où c'est le frère cadet plutôt que d'encombrer et puis de faire des intrigues politiques, il a meilleur temps d'aller en Orient. Mais là en l'occurrence c'est pour se mettre au service des païens, donc c'est assez intéressant ça. Et il se couvre de gloire. Le Cid, en fait, hein. Il se couvre de gloire au service de ces rois païens. Ses armoiries sont des ancres. Verte ou ça il y a plusieurs fois, je sais pas c'est très quoi, mais il dit X est verte ou d'or sur Hermine. Alors l'héraldique c'est pas toujours très clair, mais en tout cas des encres, ce qui laisse beaucoup d'opportunités pour des super jeux de mots à Wolfram. Il avait une encre, mais il ne posait l'encre nulle part, car ces encres ne sont pas prêtes de s'arrêter, c'est moi qui vous le dis. Il voltigeait tel un bateau. Et donc, il arrive dans le pays de Zamzamank et il s'en amourage de la reine Bellacan, qui est, nous dit-on, noire comme la nuit, donc une femme noire. Wolfram insiste beaucoup. Son peuple est de la couleur des corbeaux, nous dit-il, et ils sont aussi au teint couleur d'enfer. Alors bon, c'est un peu moins gentil, mais il est vraiment dans une axiologie très... Et qui est pas forcément explicitement raciste, mais qui est quand même très négatif, où il a commencé justement son texte par dire la vie c'est comme une pie, noir et blanc, mauvais et bien. Le noir c'est mauvais, le blanc c'est bien, c'est une axiologie assez mais paradoxalement, classique. Paradoxalement, ces personnages noirs sont pas présentés comme négatifs. Ils sont pas présentés comme trop négatifs. Ils ont une inhérente négativité en eux, mais Bellacan, elle est, c'est une bonne reine, elle tombe amoureuse de Gamuret. Il y a pas de jugement nécessairement de valeur, en fait. Et elle est pas présentée comme laide non plus. Cette noirceur n'est pas nécessairement laide. C'est ça qui est... Il y a ce côté un peu « je suis noir et je suis belle », comme dans le Cantique des Cantiques. Mais il doit justement adresser ça. Alors, Bellacan est vierge, mais son précédent amoureux, Isonart, est mort à son service. Donc, c'est le début d'une longue, longue succession de chevaliers qui sont morts pour l'amour de dames. C'est un des grands thèmes du roman. Les dames qui se languissent d'amour pour leur chevalier chéri, et puis le chevalier qui meurt au service de la dame. Et ses proches déclenchent une guerre qui amène, donc les proches d'Isonart se disent « Ah, elle l'a tué, elle l'a manipulé, elle s'est approprié ses trésors ». Donc ils déclenchent une guerre qui amène de nombreux chrétiens à se battre contre Zamzamank. Mais Gamuret va la défendre contre ses armées chrétiennes de l'invasion. Notamment des cousins à lui, hein. il retrouve tous ses potes. Il y a beaucoup de la génération d'avant Arthur, des parents de gens qu'on va retrouver plus tard qui se retrouvent dans ces armées-là. Il se bat, donc il est pour l'instant au service de ce royaume oriental ou peut-être africain, c'est pas très clair. Leur histoire démarre bien parce qu'ils récupèrent plein de trésors, notamment ceux d'Isonart, ils s'approprient un peu les trésors de l'ancien amoureux de Bellacan. Leur histoire démarre bien, mais il finit par s'enfuir. C'est-à-dire qu'à un moment, apparemment, il n'arrive pas à rester en place, donc c'est un peu le thème de l'éternel vagabond qui peut pas rester quelque part. Il laisse une lettre qui détaille sa généalogie à Bellacan. Apparemment il y avait deux frères fils de Mazadan, Lazalier et Bricus, et l'un des deux a engendré Uther Pendragon et l'autre a engendré Adant a engendré Gandin qui engendra Gamuret. Donc il est parent de Uther Pendragon et donc du roi Arthur, ce qui fait que Gauvin et Perceval diront plusieurs fois on est cousins, tout le monde est cousin dans ce truc. Oui, tout le monde est frère de fils de cousin. On dirait un truc des Hobbits dans Tolkien, c'est vraiment tout le monde est l'arrière-petit cousin issu de Germain, le cousin à la mode de Bretagne de tout le monde. Et ça va vite. Et d'ailleurs, ils tombent toujours sur leurs cousins à la moindre occasion. Quand les gens sont pas cousins, ils se marient à des cousines pour pouvoir devenir des cousins. Ouais. Il aurait fallu qu'il y ait... Il y a un arbre généalogique dans l'édition anglaise que tu as utilisé, et ça manque un peu, je trouve, dans l'édition française. Il y a un index des personnages, mais c'est pas un index en fait. Ça dit juste première apparition. Où est-ce qu'ils apparaissent et puis qui ils sont. Donc ça tombe bien qu'il lui donne sa généalogie parce qu'en fait, elle est tombée enceinte de lui et puis elle va engendrer un fils. Qui s'appellera Féréphis, qu'on va revoir plus tard, et qui est tacheté de noir et de blanc. Alors là, il y a un petit débat. Est-ce que c'est que Wolfram ne sait pas comment ça marche, le métissage, ou est-ce que c'est qu'il parle... Il y a une interprétation un peu naturaliste qui est de dire qu'il a probablement un vitiligo. Donc vitiligo, c'est ce trouble de la dépigmentation, où vous avez quelqu'un qui a la peau foncée, va avoir des plaques de peau qui vont être dépigmentées, blanches. Et puis c'est vrai qu'on dit plusieurs fois que Féréphis est comme un parchemin couvert de gribouillis, ou comme il est tacheté. Son nom, Féréphis, c'est probablement le fils de verre, donc le verre, la texture, La fourrure, ou peut-être certains ont pensé à paire, donc comme des yeux paires, donc qui seraient de couleur, on sait pas trop. Puis une fois qu'il est né, elle embrasse fréquemment les parties blanches de sa peau, nous dit le narrateur, donc probablement en mémoire de son amant qui s'est enfui. Maintenant, est-ce que ce texte est absent de toute trace de proto-racisme ? Je pense pas. En fait, il y a même des choses assez claires. Quand il met tout son or sur un navire pour se barrer pendant la nuit, et puis il y a son complice qui lui dit de faire confiance à ceux qui n'ont pas la peau noire pour rester discret, justement pour pas donner l'alerte. Il dit « Ah non, on va être que entre gens qui sont pas noirs, comme ça, on va pas nous choper. » Et il croise un navire qui transporte le home de diamants, une épée, un haubert et deux jambières qui appartenaient à Eisenhart. Je trouve ça très Minecraft, une épée, une armure en diamant. Donc c'est l'armure la plus... Il trouve littéralement une armure en diamant qui appartenait à Eisenhart et il la récupère. Dans sa lettre, il dit à Bellacan qu'il l'aurait épousée si elle avait été baptisée. Et Bellacan dit « Ah mais je l'aurais volontiers fait pour l'amour de lui, je me serais fait baptiser, j'aurais abandonné ma croyance païenne. » Donc c'est un peu... Voilà, mais il s'est barré, il lui laisse un fils. Il arrive au Pays de Galles, donc là on arrive au livre 2. Attends, il arrive au Pays de Galles qui est censé être assez proche de la Castille visiblement, hein, parce oui. Il va visiter d'abord son cousin Caelet, qui est roi de Castille justement. Ouais. Donc il arrive de là en Wailéis, donc ouais, effectivement en Valais quoi. Ouais, c'est clairement le Valais suisse. Le Valais est beaucoup plus proche de la Castille que du Pays de Galles. Bah, malgré ce que vous disent l'establishment académique qui refuse les théories de... nos saintes théories. Non, c'est clair que il va en Valais. Non, donc il va dans ce pays de Wailéis où il va rencontrer la reine Herceloid. Ou Herceloid, enfin, je sais pas comment vous prononcez ça. Alors, c'est un peu compliqué parce que d'abord, il y a un tournoi pour trouver un mec pour la reine de France, en fait. Et il s'illustre tellement bien qu'il y a des envoyés de la reine de France qui disent « Il faut que vous veniez épouser notre souveraine. » Mais il va préférer justement Herceloid, la reine de Galles, locale. Et il est partagé. Alors, il est partagé face aux avances de Herceloid, d'abord parce qu'il a encore des sentiments pour Bellacan. Et il dit, c'est assez intéressant justement, il dit « Plus d'un ignorant s'imagine que c'est la noirceur de peau de la reine qui m'éloigna d'elle. » Mais elle avait pour moi l'éclat du soleil. C'est cette gloire féminine qui me fait cette douleur. Elle est un joyau de noblesse. Donc il dit explicitement, on pourrait penser que je me suis barré parce que ben elle est noire et puis ils ont un teint couleur de corbeau, etc. Mais il dit non, c'est pas vrai. Et justement, il souligne explicitement que c'est... Donc ça montre qu'il y a quand même ce genre de préjugés existe. Je sais pas, il y a cette idée que... Je pense qu'on n'a pas vraiment le racisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais il y a clairement des choses proto-racistes. Il peut pas y avoir tellement de racisme en tant qu'on le connaît aujourd'hui, parce que, disons, les notions de... La notion de simplement de blanchité par rapport n'est pas encore construite. Mais il y a clairement des préjudices par rapport à la couleur de peau et aux gens qui ne sont pas de la même couleur que vous. Ça existe déjà. Donc bon, il y a une nuance historique à faire, mais je trouve aussi que des fois on fait des nuances qui sont un peu genre ce serait anachronique. Je pense pas que c'est si anachronique que ça. Et non, c'est clair qu'il y a pas il y a un jugement de valeur qui peut être présent, qui est au moins reconnu, parce que s'il dit bien que les gens ont pu penser ça, c'est que c'est un facteur qui peut être considéré. Mais on souligne aussi bien sûr que en fait le vrai facteur c'est le baptême, c'est la chrétienté partagée qui transcende ces différences là. Par ailleurs, au cours du tournoi, il apprend que son frère est mort car il y a quelqu'un qui porte son écu mais à l'envers, ce qui est un signe de deuil. Il voit l'écu de son frère à l'envers et il apprend ça. Il est également mort au service d'une reine pour l'amour de cette reine, donc c'est encore une fois c'est un des grands thèmes du roman. Et il apprend que leur mère est également morte. La Herceloid lui dit « Abandonnez la mauresque pour l'amour que je vous porte, la vertu du baptême l'emporte, renoncez au monde des païens et aimez-moi suivant la loi de notre religion, car j'aspire si fort à votre amour que j'en souffre durement. » Donc elle lui dit littéralement « Abandonnez la païenne pour moi qui suis baptisé. » C'est clairement le facteur qui domine et il accepte, pourvu qu'elle le laisse poursuivre ses prouesses de tournoi. Donc c'est un peu un espèce de deal à la Yvan. Un tournoi par mois, quoi. Quelque chose comme ça. Voilà, ils ont un petit accord cadre qui leur permet de ça. Accord cadre. Et il abandonne, il dit justement qu'il abandonne ses armoiries avec une ancre, et il dit « Cette ancre, elle est bonne pour un chevalier errant, mais moi, je vais m'ancrer ici. » Et il récupère celle de son frère qui est mort, puisqu'il va s'établir dans ce royaume, et il reprend en fait la couronne du royaume de son frère qu'il avait refusé d'abord. Cependant, il apprend que le Baruch de Bagdad est de nouveau un problème. Il est en guerre contre Pompée, non, pas celui-là, et Hippomidon. Donc on nous dit explicitement, c'est pas le grand Pompée des Romains, mais c'est un autre type qui s'appelle Pompée. Et après une demi-année, sa femme attend son retour. Mais, nous dit Wolfram, la lame de sa joie se brisa alors tout net au milieu de la poignée. Donc là, il y a une de ces belles métaphores où il dit qu'elle fait un rêve sinistre, elle a un sommeil très agité. Elle voit une étoile éclatante qui l'entraîne à travers des éclairs et des larmes de feu qui font crépiter ses tresses. Il y a un griffon qui lui arrache la main droite. Et elle est la nourrice d'un dragon, donc elle voit un dragon qui vient téter son sein avant de lui arracher le cœur de la poitrine. Donc des visions assez vives qui sont pas forcément un bon signe. Le dragon, après lui avoir arraché le cœur, s'enfuit et disparaît. Et quand elle se réveille, effectivement, on lui apporte la nouvelle que Gamuret est mort, qu'il a été tué dans la guerre malgré sa cuirasse de diamant. Donc quelqu'un avait une espèce d'arme anti-cuirasse de diamant avec un poison dessus qui permet de passer à travers le diamant. Mais donc il a été tué au combat. Contre des Babyloniens, il me semble. Enfin, c'est... Ouais, c'est assez. Alors c'est Pompéi, Pomidon, mais je crois que c'est des espèces de royaume mésopotamien qui est plus ou moins lié à Rome ou pas. C'est pas entièrement clair. C'est pas très très clair, effectivement. Mais enfin, en tout cas, il meurt tragiquement. Là, on est tout à fait dans la lignée de ce qui va mener à Perceval. Il y a aussi peut-être une idée qui est assez intéressante, c'est vraiment cette idée générationnelle. Hein, là, dans le tournoi auquel il s'illustre, il rencontre justement Uther, il rencontre le Morholt, ouais. Il rencontre, la vieille Lot de Norvège. Et le Rivalin, le père de Tristan. Donc il y a un lien, il y a une bonne connaissance. Et régulièrement des citations, des allusions à Wallach, par exemple, ouais. Donc à Erec. Il est tout à fait intégré dans un nexus, disons, arthurien. C'est ça, il est le père de Perceval, donc il est contemporain avec les pères de tous les autres héros arthuriens, en fait. C'est assez intéressant, c'est vrai. Ça commence le troisième livre qui, lui, va vraiment reprendre la trame du conte du Graal de Chrétien de Troyes. Ouais, là, on est vraiment tout au début. On est de nouveau, donc là... La retraite d'Erzeloed dans la forêt, ça c'est comme dans Chrétien, et Perceval est protégé, ignorant en fait, de la réalité du monde, et il chasse avec des javelots, il ne voit pas de chevaliers, et il rencontre des chevaliers. Et c'est là qu'on peut illustrer, disons, le style de Wolfram assez bien. Quand je vous parlais de ces espèces de kennings ou de ces périphrases un peu étranges ou néologistes, il parle de Perceval comme quelqu'un qui est très clichévis. Et Cyril Edwards traduit par Lagardly Wise, donc sage, mais d'une façon un peu étrange. Il est Meres Halp nor Ungeborn. Et Meres Halp, Edwards traduit comme Story Wise, donc disons connaissance, sage d'une certaine façon, très conscient de son rôle, mais quand même pas né. Il est un naïf en fait encore. C'est toujours un naïf. Mais il n'est pas aussi naïf que chez Chrétien. Non. Il va très vite perdre toute sa naïveté. Ça sera illustré plus tard en fait par un parallèle différent. Une petite connexion arthurienne peut-être qui n'est pas présente chez Chrétien. Vous savez cette histoire chez Chrétien de ils rencontrent des chevaliers en fait pour la première fois qui pourchassent d'autres chevaliers, mm-hmm. qui ont enlevé quelqu'un. Et là les chevaliers en fait pourchassent le kidnappeur en l'occurrence c'est Meliacans, mm-hmm. Donc c'est Méléagant, ouais, qui va revenir plus tard. Et là il y a ce côté toujours donc cette connexion arthurienne sur connexion avec Lancelot. Qui est là. Et donc il y a de nouveau hein, cette idée qui confond les chevaliers. Alors là, c'est avec Dieu, hein, pas avec des anges simplement. Alors sa mère, là, on dit qu'elle l'habille littéralement comme un fou. Oui, elle fait exprès de l'habiller. Elle dit justement je peux pas le retenir. Il dit je veux aller à la cour. Puis elle se dit si je l'envoie à la cour, je vais l'arranger un petit peu. Puis elle lui fait une selle en écorce, je crois. Elle lui fait des chaussures moches en peau on a même pas enlevé les poils de la peau. Elle lui met une espèce de fausse armure. Vraiment, elle le fait une espèce de parodie d'accoutrement chevaleresque. Elle se dit, ils vont se moquer de lui, ils vont probablement me le renvoyer en un morceau, et comme ça, il pourra échapper de devenir un chevalier. Malheureusement, Perceval est trop doué. Oui, effectivement, il va mettre à profit tous ses conseils un peu littéralement. Donc, comme chez Chrétien, il y a l'incident avec l'orgueil de la lande, donc il rencontre l'ami de l'orgueilleux. Alors, en l'occurrence, l'orgueilleux s'appelle Aurilus de la Lander ou de la lande. Mm-hmm. Donc, Aurilus, c'est bien évidemment orgueilleux. Donc, c'est là qui mène certains à dire que Wolfram ne comprend pas très bien le français, donc il pense que orgueilleux, c'est un nom. Mm-hmm. C'est peut-être aussi quelque chose qu'il fait simplement à dessein. Hein. Donc, la femme en question est donnée un nom, elle s'appelle Jéchout de Carnante. Yeshut ou Jeshut, je sais pas. Alors là, de nouveau, il y a des connexions qui sont ajoutées. On apprend qu'Aurilus est celui qui a tué Galoès, donc le frère de Gamuret. On apprend qu'il est le frère parce que Jeshut est la sœur d'Erec, donc il est le demi-frère d'Erec. Il y a des comparaisons avec Erec, Erec doit me détester. Erec et lui ont l'air d'être un peu présentés comme les personnes les plus détestables de tous les chevaliers arthuriens par moment. Qui martyrisent leurs femmes. Ouais, exactement. Et en fait, juste après cet incident-là, alors là, il y a une première grosse différence avec Chrétien, c'est là qu'il rencontre sa cousine, qui là s'appelle Sigoun, qui est la fille de Kyot, un chevalier, et de Shwesian. Shwesian, c'est la sœur de sa mère, d'Arceloïd. Et en fait, Sigoun est avec son... Donc, comme donc chez Chrétien, il la rencontre après l'incident au château du Graal. Là, c'est littéralement juste avant d'arriver chez Arthur, et elle lui apprend son nom là, en fait. Mmh. Elle lui apprend son... donc vraiment, il est déniaisé tout de suite là dans chez Wolfram, un peu comme si il fallait aller beaucoup plus rapidement. Et il disait, oh, cette histoire de nom, il y a beaucoup d'éléments qui étaient assez importants chez Chrétien et qui créaient la tension et le mystère que Wolfram, ça n'intéresse pas vraiment. Genre là, oh, le fait qu'il connaisse pas son nom jusqu'à après l'épisode du château du Graal, beaucoup de gens parlent de la révélation de la connaissance de soi, l'état de... ok, Wolfram, ça n'intéresse pas, il apprend son nom chapitre 3 quoi. Et en fait, donc comme chez Chrétien, par contre, elle se lamente de la mort de son ami qui s'appelle ici Shiana Tulander. Mmh. On commence avec ses noms. Alors, Wolfram a une tendance à faire des noms qui ont l'air tout droit sortis d'Astérix, ouais. Avec ses noms composés de noms français, ou parfois même pas forcément décomposés, mais des noms à 3 ou 4 syllabes qui ont juste mais l'air de sortir d'un album de Goscinny. C'est assez terrible parce que tu peux pas les lire en gardant ton sérieux. Rien que par exemple, Conduire Amour. Conduire Amour, ce qui est donc le nom de Blanche Fleur dans cette version là. C'est un peu comme Sœur d'Amour dans Cligès, donc la sœur de Gauvin qui s'appelle littéralement Sœur d'Amour, mais c'est mis au centième. Donc on a par exemple un roi Asmapartens, Fargelastis, Possisson Jus. C'est vraiment, t'as deux doigts de croire que c'est un nom qui sort d'Astérix. Possisson Jus, ça pourrait 100% être un centurion dans Astérix. Oui, c'est ça. Et même la fée Morgane s'appelle pas la fée Morgane, elle s'appelle Terre de la Chouette. Et en fait, son royaume, qui devrait être la Terre de la Joie, en fait, s'appelle Famorgane. Ouais. Donc il y a cette confusion perpétuelle entre nom et titre, en fait, qui est assez caractéristique de Wolfram. Donc oui, Shiana Tulander a été bien tuée par le vilain Aurilus, qui a aussi donc, et il y a aussi un conflit qui est mentionné avec un certain Lehelin, qui est donc au service aussi de la famille de Perceval, et qui est censé disons plus ou moins poursuivre. Donc a priori Aurilus est vraiment un vilain, hein, c'est un vilain au sens actuel, c'est un méchant, mais en fait on va voir que ça va pas être le cas très vite. Il va très vite être réconcilié en fait avec Jeschut plus tard, mais en attendant La cousine de Perceval, qui veut le préserver, va essayer de le détourner d'Arthur. En fait, lui, il veut se rendre chez Arthur, mais elle le détourne. Et finalement, c'est un pêcheur un peu méchant, un pêcheur qui est un peu méprisant, jusqu'à ce que Perceval lui donne l'anneau, en fait, qu'il a obtenu comme cadeau de Jeschut, un peu contre sa volonté. Et là, du coup, il est très obséquieux. Et il le mène chez Arthur, qui réside à Nantes. Donc là, on est en Bretagne continentale. Il faut dire que là, on enchaîne avec un épisode, l'épisode du Chevalier Vermeil, qui est un peu différent, c'est-à-dire que il s'appelle Ither, mais là, au lieu d'être un rebelle sans foi ni loi qui a jeté du vin sur la reine, etc., là, les gens vont lamenter sa mort. Ils vont dire, ah, mais c'était une prouesse de la chevalerie, toutes les femmes l'aimaient, tous les hommes l'enviaient, enfin, il était super bien, et puis Perceval l'a tué, et on va le reprocher à Perceval. On avait dit que son oncle Hermite lui reprochait la mort de sa mère parce qu'il l'avait abandonnée. Là, ça va être toujours le cas, mais il va ajouter ce péché-là, le fait d'avoir tué Ither de façon déloyale avec un coup de javelot de la même manière. Mais là, on a vraiment l'idée qu'il aurait pas dû le faire, et puis que c'était illégitime, et que lui prendre son équipement et tout, c'était aussi illégitime. Il y a un passage plus tard où Perceval pète son épée, et le narrateur renvoie d'ailleurs, ah bah, il l'avait pris à un mort, il aurait pas dû. Donc c'est ça, il le rencontre en arrivant, donc comme chez Chrétien, et en fait, on nous dit qu'Ither est un cousin d'Arthur, donc, et aussi un cousin de Perceval, qui a défié Arthur pour son trône. Mais ça semble être dans une circonstance beaucoup plus... C'est pas juste un type qui a balancé du vin au visage de Guenièvre, c'est vraiment... plus formel. C'est beaucoup plus formel, ça a l'air d'être un challenge à peu près plus ou moins légitime, donc... Et en fait, c'est quand il arrive, donc à l'épisode de la jeune fille qui rigole, et lui... Alors c'est pas un nain, c'est un fou, ici, qui se fait taper par queue, mais l'idée est similaire, en fait. Et la jeune fille en question, elle s'appelle Kunoar, donc elle a de nouveau un nom, Kunoar, et c'est la sœur d'Aurilus. Ouais. Donc, si vous perdez le fil, vous inquiétez pas, c'est normal. Mais toujours est-il qu'elle, c'est exactement la même chose que chez Chrétien, il va être envoyé par queue d'ailleurs, à la poursuite du Chevalier Rouge, et il va réussir à le tuer, justement. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais on vous encourage fortement à écouter notre épisode sur Chrétien d'abord, parce qu'on va pas forcément entrer dans tous les détails qui sont déjà là. Donc, une fois qu'il est parti, il rencontre de nouveau Gornemant de Goro, qui l'aide à devenir un guerrier accompli, qu'il déniaise un peu, où il peut montrer ses prouesses, pas tant de différence. Il tombe un peu amoureux de la fille de Gornemant, je crois. Il y a Gornemant, oui, qui Liaz, elle s'appelle. Liaz, qui lui dit un peu, oh, c'est trop bien, Providence, vous arrivez, vous pouvez être une espèce d'héritier providentiel. Mais oui, parce que tous ses fils sont morts à Gornemant, en fait, alors qu'il n'a plus que sa fille. Ouais. C'est cette idée-là, un peu, qu'il est le fils... qui est un remplacement de ses fils. Mais finalement, il va pas se fixer là, il va repartir. Au livre 4, il va délivrer les assaillants de sa cité, une reine qui, bah, chez Chrétien, est Blanchefleur. Ici, s'appelle Conduire Amour, donc conduire amour, probablement celle qui conduit l'amour. Un peu plus sensuel que chez Chrétien, où on avait un truc un peu plus, oh, ils dorment ensemble, c'est sympa. Il l'épouse, mais apparemment, il a le gène récessif de la bougeotte de son père, et donc il part. Donc ça, c'est exactement pareil. Hein. Il y a aussi l'histoire du roi qui essaie de marier Blanchefleur, ici, conduit vraiment. Le roi s'appelle Clamide. Et en fait, comme chez Chrétien, Perceval bat le sénéchal du roi, puis le roi, et il les envoie faire pénitence chez le roi Arthur. Et il faut préciser aussi, ils vont se rendre à Cunawar, donc à la jeune fille qui avait été frappée par queue. Et il faut préciser aussi qu'il reste quand même un petit moment, il reste à peu près, je crois, une année à peu près chez Conduire à Mort. Donc il y a quand même un certain temps où il reste avec sa femme normalement. Et il faut préciser, alors il ne le précise pas ici, mais on le verra plus tard, cette relation va donner naissance, littéralement à deux fils, puisqu'elle va tomber enceinte avant qu'ils partent. Ouais. Il y a jusque-là, on suit vraiment la trame qui avait été faite chez Chrétien, avec quelques petites nuances sur comment quoi. Mais un des thèmes qui va souder, je pense, tous ces épisodes, c'est celui de l'amour, où Wolfram va essayer d'être beaucoup plus systématique. Il va beaucoup plus souligner, ah, regardez, genre, je vous ai dit, ces chevaliers qui sont morts au service de dames. Il a tendance à un peu attirer l'attention dessus, même quand c'est des éléments qui viennent effectivement de chez Chrétien. Là, en l'occurrence, il va nous dire, par exemple, que les personnages comme Clamide, qui veut forcer le mariage avec Conduire Amours, c'est des méchants parce que justement, ils respectent pas les règles de l'amour. Ils respectent pas cet amour délibéré et supposément entre, peut-être pas entre égaux, mais en tout cas entre cet amour enthousiaste. Et c'est un des gros crimes qui va affliger les méchants de chez Wolfram. Le livre 5 nous amène à la scène du Graal, en fait, au château du Graal qui s'appelle cette fois-ci Montsalvesh. Alors, il y a des gens qui veulent lier ça à salvation, au fait d'être sauvé, au salut, le monde du salut. Mais en fait, très probablement, c'est Mont Sauvage, parce que Wolfram mentionne un endroit qui s'appelle Wildenberg, qui veut très littéralement dire Mont Sauvage. Donc, très probablement que c'est ça qui est en jeu, une traduction du Mont Sauvage, qui a l'air d'être un lieu un peu éloigné. Donc, c'est un peu pareil. Il rencontre le roi pêcheur infirme sur la rivière, il le voit. On s'installe dans la scène du banquet. Il voit passer une lance ensanglotée portée par un page. Tout le monde pleure. Plusieurs demoiselles dressent la table et vient ensuite la reine Répense de Choix, qui est en fait la tante de Perceval, il ne le sait pas encore, c'est la sœur d'Anfortas, qui est le roi pêcheur. Qui est lui-même le frère de Herzeloed, donc la mère de Perceval. Donc c'est sa famille maternelle, en fait, mais Perceval n'ose pas questionner son doute sur le sens de ses merveilles, pareil que chez Gornement. Gornement qui lui dit d'ailleurs de ne pas poser de questions, alors qu'il pose, j'ai l'impression, beaucoup moins de questions que chez Chrétien, en fait. J'ai l'impression qu'il est un peu moins interrogateur, mais Gornement lui interdit tout de même cela. Dans une pièce voisine, il aperçoit Titurel, qui est le grand-père du roi pêcheur, donc qui est théoriquement son arrière-arrière-grand-père. Non, c'est juste son arrière-grand-père, en fait. Parce que la génération du roi pêcheur, c'est son oncle, donc c'est logiquement son arrière-grand-père. Ah oui, parce que le roi pêcheur, c'est... Oui, effectivement. Et il rencontre de nouveau sa cousine au sortir. La scène du Graal... Il faut préciser, oui, la scène du Graal, il y a quand même la lance qui est mentionnée, mais sinon c'est assez différent, en fait. Ouais. Déjà, le Graal lui-même, on l'a peut-être mentionné avant, hein, mais le Graal est présenté comme un garnet hyacinthe, donc une pierre, en fait. C'est pas clair que c'est une pierre incandescente, plus ou moins, et ça semble être vraiment ce côté un peu presque météorite, en fait, un peu... On peut y voir un peu peut-être une pierre tombée des cieux, donc effectivement ce genre de choses. Et alors là, on nous dit clairement que le Graal fournit donc nourriture et boisson et vie éternelle surtout. Les détails du repas sont décrits comme étant issus du Graal et non pas simplement du service normal, alors que le Graal aurait lui l'hostie ou bien le corps du Christ. Là, c'est vraiment le Graal juste nourrit et fournit toute nourriture et boisson. Donc on dit, c'est la fameuse blague de Camelot, c'est une pierre incandescente. Je sais pas si elle est en incandescente, mais elle produit clairement. Enfin, il y a une espèce de lumière ou une comme, espèce. Comme de... la plupart des reliques d'ailleurs chez Chrétien, mais c'est une espèce d'émeraude ou comme ça posée sur un tissu qu'on amène et puis elle fournit. Elle est liée au phénix apparemment. Wolfram la lie au phénix et donc à la vie éternelle. Et puis à l'idée justement qu'on peut pas vraiment mourir quand on la voit. D'ailleurs, elle sert un peu de life support au roi pêcheur qui est basiquement en train de souhaiter qu'il pourrait mourir et être libéré de ses douleurs, mais les gens arrêtent pas de le ramener devant la pierre et puis du coup coup, il peut pas mourir. Oui, et du coup, quand il pose pas la question, bah, nouveau, comme chez Chrétien, il se réveille dans le château vide. Sauf que chez Chrétien, on pouvait penser que le château vide, c'était un peu un miracle. Là, en fait, il semble que tout le monde se cache parce que quand il va partir, il y a un écuyer qui se cache, dans qui le fait château, tomber le pont-levis et qui lui crie « Ah, mais t'es vraiment un imbécile, t'aurais dû poser la question. » Donc, t'as vraiment l'impression que tous les chevaliers sont cachés derrière quelque part, puis que lui, il est un peu perdu au milieu de nulle part. Et tout le monde est caché derrière genre une porte, puis il lui crie derrière les murs. C'est très très drôle sur le moment parce que au début, j'ai dit, tiens, c'est marrant, il y a une voix qui. Ah non, c'est vraiment. Il écrit vraiment, il y a un écuyer qui est derrière la porte qui lui, qui lui crie et qui fait tomber. Et c'est assez logique parce que bah, je me demande bah, pourquoi tout est vide, pourquoi le pont-levis tombe tout seul. Bah, littéralement parce qu'il y avait un chevalier caché qui l'a fait. Et il, bah, c'est ce que Perceval pensait aussi, mais dans chez Chrétien, il pose la question, puis personne dit, puis ouh, c'est spooky. Là, le livre 5 se finit par sa rencontre avec sa cousine qui lui dit donc, justement. Là, c'est comme dans chez Chrétien, il la revoit. Il la revoit. Et c'est rigolo parce que chaque fois qu'on la voit, le cheval, c'est chaque fois une étape un peu. Là, le corps du chevalier est embaumé, mais elle le trimballe toujours avec. Puis après, on la reverra, elle deviendra une encorite en fait, dans une cellule avec le corps de la tombe de son ami. Donc c'est toujours comme ça, chaque fois c'est une étape de plus en plus. Oui, c'est un des fils rouges du roman d'ailleurs, justement, le fait que son copain soit mort à son service et puis qu'elle soit dans une dévotion perpétuelle par rapport à lui, donc un amour un peu parfait comme ça. Et pas vraiment, pas charnel, parce que justement il n'est pas consommé, un peu comme Bella Can et son ancien ami. D'ailleurs, c'est aussi un cas régulier. Herzeloid avait un premier Herzeloid, en fait, on l'apprendra plus tard, mais elle fait partie de la famille du Graal. Elle a été envoyée depuis le château du Graal comme la dame d'un chevalier. Ou d'un roi, disons le roi de Norgal et de Gaul, de Wallis et de Norgal, et c'est comme ça en fait qu'elle va sortir du château du Graal, et en fait elle va mourir, il va mourir avant que le mariage ait pu être consommé aussi, et elle va hériter de ses terres. C'est un phénomène assez récurrent en fait, de deux mariages successifs. C'est aussi le cas avec, on le verra après, mais l'orgueilleuse de l'ogre et Gauvin. Il y a ce côté un peu, voilà, effectivement, que les héros arrivent pour le deuxième mariage. Herzeloid, c'est le deuxième mariage de Gareth aussi. Préciser aussi que c'est la cousine de nouveau qui lui explique un peu les raisons de ce qui s'est passé en fait. Oui, elle lui raconte l'histoire de la famille du Graal, et elle lui présente en fait les enfants du roi Frimutel, donc qui est le fils de Titurel. Ouais. Donc il y a Trévirzant le moine, donc il va rencontrer juste après, ce sera son oncle ermite en fait, Anfortas, la mère de Sigun Choesian, donc on l'a déjà mentionné, et puis bien sûr Herzeloid, la mère de Perceval. Et il faut préciser aussi que là-dedans, il y a aussi, bien sûr, la réponse de Chouac, et donc c'est la demoiselle qui trimballe le Graal. Et elle lui aussi, explique aussi que, alors, je ne sais pas si on l'a mentionné, mais le roi pêcheur donne une épée à Perceval, et c'est une épée qui a été forgée par le forgeron Trébuchet, donc le grand forgeron, et qui est destinée à se casser, à porter un coup, se casser et être réparée. Et alors, contrairement aux continuations du Perceval, où en français ça va être un élément récurrent, la reforge cassée, ouais, de l'épée, là ça va être assez éludé assez rapidement, hein. On n'en parle pas. Je crois que ça revient pas, mais je crois que dans des romans successifs on apprend qu'il faut la plonger dans une fontaine pour qu'elle se répare. Bah, il me semble qu'à un moment donné, c'est mentionné que Perceval a de nombreuses aventures, dont le moment où cette épée se brise et est réparée. Donc ça me semble être assez. D'un côté, il l'utilise plus après parce que l'épée qui se brise au final, ce sera l'épée qu'il a prise sur le corps d'Iter quand il combat Ferfis tout à la fin. Donc il semble pas avoir fait grand chose de cette idée que cette épée peut se casser et être réparée. Mais donc, le livre 5 se conclut avec l'épisode de l'orgueil et de la lande. Il le bat, il libère son épouse et il lui dit « il faut que tu arrêtes de la martyriser ». Puis il dit « d'accord ». Et puis voilà, ces violences conjugales sont résolues. Il l'envoie à la cour d'Arthur, d'Arthur. Il intègre d'ailleurs l'entourage d'Arthur, c'est avec le fameux épisode des 3 gouttes de sang sur la neige qui lui rappelle le camp de Viramours. Donc il voit 3 gouttes de sang issues d'un oiseau sur la neige qui semble former le visage. Il est complètement fasciné par ça. Et puis il y a différents chevaliers, je crois que c'est de nouveau Sagrémor, puis Gauvin, qui vont essayer de le déloger de là. Et puis sans le vouloir, il va automatiquement, mécaniquement défoncer que. D'ailleurs, c'est raconté d'une manière beaucoup plus matériel, c'est-à-dire le fait qu'il soit tourné vers la tâche, mais il nous dit que le cheval va bouger quand il voit qu'il est attaqué, donc mais il reste, et puis du coup le cheval se détourne, et du coup il quitte des yeux la tâche 3 secondes, et du coup il peut se battre contre queue, puis revenir. Il y a ce côté vraiment, en général, hein, Wolfram semble être beaucoup plus au courant de ce qu'implique le combat à cheval, la vie de chevalier en fait. Il est beaucoup plus, c'est beaucoup moins stylisé comme ça peut être chez Chrétien, où c'est des artifices rhétoriques et littéraires. Là, il fait référence régulièrement à des, bah, typiquement à la rouille sur le visage. Ouais. La rouille sur le visage à cause de l'armure, les mouvements, la façon de se battre, le détail de comment tu tiens ton bouclier, les boucliers qui se font trouer à force de faire des charges, comment tu casses ta lance, quelle partie tu vises de l'armure. Ça se répète un peu parfois, mais on sent qu'il a une connaissance bien plus intime de ses fêtes. Ce qui est logique, s'il est chevalier lui-même, il aurait l'habitude. Et ce que j'aime bien, c'est aussi son vocabulaire très technique qu'il utilise, qui est parfois très drôle. Alors, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais quand il se bat contre Sagremor, par exemple, je vous lis la traduction de Cyril Edwards dans ma traduction française. Donc, sa joute en retour était si précise que Sagremor, le noble chevalier, fut obligé de pratiquer le vidage de sel. Et parce que la lance de Parsifal restait, en dépit de cela, intacte, Sagremor fait connaissance avec la notion de tomber. Et je trouve ça extrêmement drôle. C'est vraiment presque sarcastique, pince sans rire comme ça. C'est aussi lié avec le côté très germanique vraiment du texte. Hein. C'est vraiment ces structures de phrases, ces façons de parler, ces références régulières, ces doubles références typiquement d'une même phrase. Parsifal a fait ceci, ceci, ceci, le vaillant chevalier qu'il était, ou ce genre de structure un peu très allemande en fait, très, qu'on trouve aussi en anglais médiéval, qu'on trouve en vie anglais, qu'on trouve en norrois en fait. Comme chacun sait. Mais donc, il réussit à. Finalement, Gauvin, par sa diplomatie, réussit en fait. Gauvin jette un tissu sur l'étage de sang parce qu'il se rend compte que c'est ça qui le captive et du coup il peut lui parler et l'amener à la cour. Il intègre l'entourage d'Arthur, mais il y a de nouveau, comme chez Chrétien, une demoiselle hideuse qui fait irruption à la cour pour le maudire en raison de son silence devant le Graal. Découragé, il se dit qu'il va prendre sa vidérance il va se lancer dans la quête du Graal. Oui, c'est marrant parce que la sorcière, pour le coup, la demoiselle hideuse, elle a un nom. Elle s'appelle Kundry, la surtière. Il y a aussi Kundry, la sœur de Gauvin, donc il faut préciser toujours la surtière. Elle arrive sur une mule et elle est alors là, on la dépeint comme beaucoup plus en détail. Elle a la peau noire, elle a le nez d'un chien, elle a des cheveux de porc-épic mais longs. Ouais. Elle a un visage poilu, elle est noire comme la suie. Le petit détail qui m'a fait rire, c'est qu'elle a des sourcils tressés. Parce qu'ils sont tellement longs. Et elle a des dents de sanglier aussi, des canines de sanglier. Donc, elle est vraiment très laide et à ce côté vraiment assez raciste aussi. Apparemment, on apprendra plus tard qu'elle est issue, effectivement. C'est pas qu'elle est une diablesse ou un truc comme ça. Non, elle est juste laide et noire. C'est vraiment assez. C'est raciste, mais c'est aussi. En fait, c'est lié à la consommation de certaines plantes. Oui. Il explique que c'est une dégénération, que on avait bien dit à Adam de ne pas manger certains trucs, mais il y a des humains qui les ont mangés. Des filles d'Adam qui ont mangé, ouais. Et qui ont du coup engendré une lignée. Parce qu'on va rencontrer notamment son frère qui a exactement la même tête. Et qui s'appelle Malcréature, donc c'est un peu plus évident qu'il est. C'est assez courant dans la littérature médiévale en général que les gens monstrueux comme ça sont, en fait, complètement humains. Genre, ils ont une origine et une ascendance complètement humaine, mais ils ont un facteur de corruption. C'est un peu comme les fameux, dans la littérature médiévale, enfin, les fameux. Avant les orques, on a les orcnéas qui sont d'un côté monstrueux, mais d'un autre côté, qui apparemment sont des fils d'Adam comme nous. Elle mentionne justement donc la défaite de Perceval, les problèmes du Graal, mais elle mentionne aussi l'aventure qui va occuper Gauvin, donc ça c'est comme chez Chrétien. Elle mentionne que 400 jeunes femmes sont retenues au château de la Merveille, donc au Chastel Merveille, et qu'elles attendent d'être secourues. Il y a les aventures un peu annexes qui sont pas du coup qui vont pas trop intervenir là. Pas trop mentionné. Alors il y a quand même le tournoi de Bélian d'Ulysse et qui va commencer en fait par le. Alors c'est compliqué parce que le chevalier Kingrim, il y a de nouveau un chevalier qui s'appelle Kingrim Ursal ici, qui est le landgrave de Champhanzun, qui est le fils de Kingrisin, le roi d'Ascalon, donc le roi d'Escavalon, qui va en fait défier Gauvin en duel parce que Gauvin est accusé d'avoir tué Kingrisin, qui est peut-être le frère de. Alors c'est pas très clair la relation. Il va y avoir un plan qu'ils vont devoir aller combattre devant le roi d'Escavalon et il va lui promettre en fait qu'il aura un sauf-conduit. Il lui promet en fait, vu qu'il est parent du seigneur de la terre, c'est son neveu qui a pris le trône, il va lui promettre qu'il aura un sauf-conduit pour se rendre jusqu'à lui pour pouvoir l'affronter en combat. Mais en fait, Gauvin, on lui dit que c'est pas Gauvin qui a fait ce méfait, c'est un autre. Non, c'est ça, c'est la même histoire que chez Chrétien, mais on dit explicitement qu'en fait, il va finir par être innocenté. Ça va être à peu près la même histoire. Donc là, c'est le début du livre 7. Entre-temps, il va d'abord au tournoi de Melian de Lys, où il règle la dispute entre deux sœurs, donc Obilo et Obi, apparemment, dont une des deux qui est extrêmement jeune, donc c'est à moitié glauque et à moitié mignon, qu'on va dire, parce que les gens la laissent un peu jouer à la dame, si on veut, c'est-à-dire qu'elle dit « Ah, je vais avoir un chevalier », puis on lui dit « Ouais, fais ça, chérie, oh, regardez, elle va se prendre un chevalier comme une grande dame », puis elle arrive à avoir Gauvin à son service, qui va se battre dans le tournoi. Melian étant en conflit avec sa sœur aînée parce qu'il l'aimait, mais elle l'a un peu rejeté, mais du coup il s'est mis à lancer contre son père, malgré le fait qu'il ait un espèce de bon sénéchal, qui était un homme loyal de son père, qui s'est défié des deux. Lippo, le père d'Obi et d'Obilote, en fait, a élevé Melians, Et du coup, ils ont grandi ensemble, lui et Obi, et donc du coup, il est tombé amoureux, mais elle l'a un peu rejeté, et du coup, il se venge, et avec l'aide de Point d'Iconjunct, aussi de nouveau un nom tout à fait Astérix, son oncle, qui est le père de Meliacans, donc de Melagan, donc qui est probablement l'équivalent de Beaudemagus, mais je sais pas où vous trouvez Point d'Iconjunct dans Beaudemagus. Point de conscience, peut-être, moi j'ai pensé, mais enfin, c'est pas, ou Point de conjoint. Point de conjunct, ça pourrait être juste le droit, ou juste le, ouais, je sais pas. Enfin, je sais pas, c'est très très bizarre. Donc pendant les combats contre Meliance au pied de la cité de Lippo et devant donc Obi et Obi-Lot, on précise notamment que Gauvin voit du côté de ses adversaires un chevalier vermeil, donc, qui est clairement Perceval, enfin qui est Partifal, qui se bat très vaillamment et dont il est content de pas, qu'il est content de pas affronter finalement, parce que les deux sont un peu les meilleurs de leur camp, mais ils se battent pas en même temps ou les uns contre les autres. Et en fait, donc, c'est effectivement Partifal qui est allé assister les hommes de Meliante de Lys, alors que Gauvin a pris le côté de Lippo. En tout cas, Meliante de Lys va donc essayer de se battre et va être battu par Gauvin. Et en fait, ils vont se réconcilier. Tout est bien qui finit bien. Voilà. Toute cette histoire va aller pour le mieux. Et il va donc. C'est assez triste parce que Obilo veut apparemment partir avec Gauvin, mais il ne peut pas le supporter logiquement parce que c'est une enfant. Mais de nouveau, un Meliante d'Ulysse est complètement réconcilié. Le personnage qui pouvait être perçu comme un peu un violeur, qui avait des requêtes un peu. Parce qu'en fait, avant de le rencontrer lui, Gauvin rencontre toute l'armée qui va aller assiéger le château de Lippo. Il n'a aucun problème à rentrer dans le château assiégé d'ailleurs, c'est curieux, mais enfin bon, voilà, pourquoi pas. Mais toute l'armée, et en fait, les gens qui sont dans l'armée semblent être un peu sceptiques par rapport à Meliance parce qu'ils disent ouais, mais quand même, pourquoi il a fait appel à nous juste pour ça, c'est pas une très légitime, mais ils vont quand même se battre à son service. Et ça va mener en fait à cette donc l'histoire qui est l'équivalent chez les chrétiens de la demoiselle aux courtes manches en fait pour Gauvin et le tournoi de Meliante d'Ulysse. Oui, et donc après cela qui est résolu, on peut aussi noter que Meliagan est mis là-dedans, donc c'est probablement justement cette idée d'associer thématiquement les gens qui sont un peu des criminels contre l'amour, donc des gens justement qui respectent pas l'amour ou la liberté des dames. Meliagan et Meliante d'Ulysse, qui ont des noms un peu similaires aussi, sont du coup associés les deux. Même si en l'occurrence Meliante d'Ulysse finalement, comme tous les méchants dans ce livre, est finalement réconcilié avec son ami et qu'ils se marient et qu'ils ont vécu heureux, ils ont beaucoup d'enfants. Donc c'est ça qui est assez rigolo, c'est que même les plus méchants sont capables de renier tout à fait leurs méfaits et de devenir tout à fait bons et de loyaux amants. Insiste un peu sur la dimension un peu de chicanerie entre les deux sœurs. On voit que Bilo est vraiment une enfant parce qu'elle n'arrête pas d'enfoncer le couteau dans la plaie de sa sœur, genre ah, mon chevalier est meilleur que le tien. Et puis en même temps, Obi est aussi pas très très sympathique avec Gauvin parce qu'elle le prend pour un marchand. Oui, ça c'était déjà chez Chrétien parce qu'il a plein de boucliers. Ouais, du coup, ils se disent oh, ça doit être un changeur. Ou mais un marchand. Elle insiste beaucoup sur ça. Puis Bilo le défend, mais non, c'est clairement pas un marchand, t'es bête ou quoi. Il y a ce côté vraiment très, c'est vraiment très développé là-dedans. Une fois qu'il remporte des victoires, elle dit un truc, ah bah c'est quand même un sacré marchand. Hein. Enfin, il y a beaucoup d'ironie. Et ça, c'est donc ça occupe tout le livre 7 en fait, puisque le livre 8 est consacré justement à l'incident d'Escavalon, où il va rencontrer Antigone, donc qui est la sœur du roi d'Escavalon, qui est le roi Vergulart, qui est en fait c'est un cousin de Perceval. Il est le fils de la sœur de Gamurette, et en fait Vergulart a été battu en combat par Perceval, alors que Perceval était du côté de Meliante d'Ulysse. Et il lui a promis visiblement de chercher le Graal. Et donc, ils vont se rendre en chemin vers la ville de Champhanzoun. Et en fait, Vergulart va promettre l'hospitalité à Gauvin. C'est un peu la même histoire que chez Chrétien, c'est-à-dire qu'il rencontre quelqu'un sur la route qui lui dit « Ah, venez chez moi !» Et il ne sait pas que c'est le roi d'Ascaloun ou d'Escavalon qui l'a accusé d'avoir tué le précédent souverain. Il commence à draguer beaucoup plus agressivement la sœur de Vergulart. Parce qu'il lui dit, oh, donnez-lui, accueillez-le bien. Puis du coup, il se met immédiatement à l'embrasser et à essayer de la pousser à faire plus avec lui. Et puis quelqu'un le reconnaît de la même manière, ça déclenche une émeute, la commune se soulève contre lui. Il y a la même scène de l'échiquier où il prend un échiquier pour se défendre. On mentionne pas, je crois, qu'il a Excalibur, mais c'est un peu la même scène. Avec la sœur qui balance des pièces d'échecs sur la foule. Sauf que, à la base, la résolution, c'est que le roi, donc le fils du précédent roi tué, débarquait et se rendait compte que, bah oui, je vous ai techniquement offert l'hospitalité, donc c'est déshonorant pour moi qu'on vous attaque. Là, c'est pas ce qui se passe. Au contraire, c'est celui qui l'a défié, celui qui l'a défié. Parce qu'il l'avait promis, il en lui fait, avait promis un sauf-conduit. Un sauf-conduit, il lui avait dit, tu peux venir et on se battra, et puis tu vas pas te faire tuer en chemin, on va avoir un duel honorable. Et donc, il dit que son honneur est engagé à cause de ça, et du coup, il va se battre aux côtés de Gauvin, et il va défendre Gauvin contre la commune, parce qu'il se dit, bah, je lui ai promis ça. Et au final, ça va être plus ou moins résolu, parce qu'il va dire, en fait, c'était pas toi le coupable, il s'avère. En fait, non, d'abord, ça sera plus tard, mais d'abord, Gauvin promet un combat devant le roi Mélian de Lys dans un an. Pour préciser, Kingrim Ursel, qui était le type qui lui avait défié, était soit le frère de Vergulat, soit le cousin de Vergulat, soit l'oncle de Vergulat, le frère du précédent roi d'Escavalon, ou d'Ascalon en l'occurrence. Et c'est lui qui arrive, et Vergulat et sa sœur Antigone sont déjà là. Enfin, il rencontre Vergulat, il est hébergé, tombe amoureux d'Antigone, il est attaqué par les gens qui pensent que c'est le meurtrier du précédent souverain, et c'est Kingrim Ursel qui le sauve. Et du coup, Vergulat, un peu déshonoré, lui fait promettre, disons, pour réparer un peu leur conflit, de chercher le Graal avec lui. Et donc, c'est pour ça que Gauvin va être orienté vers le Graal, en fait. À la base, c'était la même idée. Il devait trouver la lance qui était censée être la lance de l'ogre, qui allait détruire le royaume de l'ogre, ce qui était une espèce de mention un petit peu mystérieuse là. Et non, il va entièrement être dirigé vers le Graal. Et puis, c'est assez marrant, c'est une des premières occurrences où, en fait, Wolfram essaye de lier les aventures de Gauvin et de Perceval, où Gauvin arrive quelque part, et en fait, Perceval était là 5 minutes avant, et il essaie de tabasser les gens et de leur dire, ouais, le Graal, aidez-moi à trouver le Graal. Et puis, il est très vindicatif comme ça. Et c'est quelque chose qui va revenir à chaque fois, en fait, il va pas pouvoir avoir des aventures seul. Les récits sont beaucoup plus imbriqués les uns dans les autres chez Wolfram. Il a une économie narrative un peu plus grande, en fait, que Chrétien, ce qui mène en fait à des développements, disons, plus restreints, ce qui permet évidemment de pas lancer ces 15 différentes idées narratives différentes qui vont avoir de la peine à être résolues, en fait. Et c'est d'ailleurs là qu'en fait le récit va repasser à Perceval, littéralement avec Wolfram. Alors Wolfram fait des fréquentes apartés pour aller par exemple se lamenter de la vertu des femmes ou dire qu'elles ne devraient pas le détester. Et là en fait il fait... s'il vous plaît, c'est très drill à certains moments où il dit « Mesdames, s'il vous plaît ». Et là pour le coup il va te faire un aparté à la Dame Aventure en fait, pour demander ce qu'il est advenu de Perceval. Ou de Parti... Ouais, j'arrête pas de dire Perceval, hein, mais c'est très difficile de perdre les habitudes. Oui. Il faut dire que Parsifal, c'est juste la translittération un peu directe du nom en français. Il arrive donc dans le livre 9, il arrive chez son oncle ermite Trévrisante, logiquement, qui va lui expliquer un peu l'histoire du Graal et le background derrière. Comme chez Chrétien, il y a un moment où il ne le reconnaît pas d'abord. Mais donc il lui explique que. En fait, d'abord, il rencontre des pénitents, pardon, c'est la fameuse scène où normalement il a chevauché pendant 5 ans et il rencontre des pénitents le vendredi 5 et ils lui disent : mais pourquoi chevauchez-vous en armure ? C'est interdit. Et là, on voit que Perceval est en fait. basiquement en révolte contre Dieu. Il est presque apostat, où il dit basiquement qu'il déteste Dieu parce que justement il s'en veut d'avoir échoué au château du Graal, et il se dit, si Dieu avait voulu m'aiguiller, il l'aurait fait mieux. Il aurait pu me donner des richesses, il aurait pu me donner des choses, mais il m'a placé dans cette situation, et du coup je déteste Dieu. Et donc quand les pénitents passent à côté de lui, il dit, il faut que je m'en aille parce que je déteste celui qu'ils aiment. Donc c'est assez fort quand même le fait qu'il soit dans une haine contre Dieu, oui, directement. Il faut dire aussi qu'il a eu quelques échecs juste avant. En fait, avant de croiser les pénitents, il a croisé Sigune, donc sa cousine, qui est devenue à ce moment-là, donc, comme on l'a dit avant, une encoresse, donc qui vit dans une petite cellule avec la tombe de son ami. Et en fait, elle est nourrie dans sa cellule par Kundry, la messagère du Graal, donc on l'a rencontré avant. Donc il se dit, ah bah le Graal doit pas être très loin, et il va la chercher, il va pas la trouver. Il essaie de suivre ses traces, mais elle se fasse. Il va tomber sur un chevalier de Montsalvache, mm-hmm, donc du château du Graal, qui va battre et dont il va voler le cheval en fait. Oui, c'est assez, en fait, ils se culbutent l'un l'autre, et puis il y en a un qui tombe dans un fossé, puis le cheval de Perceval se casse les jambes, je crois. Tombe aussi dans le fossé et meurt, donc il voit que l'autre remonte de l'autre côté du ravin, donc il est pas mort, et du coup, bah, il se dit, bon bah je vais prendre son cheval et me barrer. Puis... Mais il trouve pas le Graal. Ou le château du Graal dans l'immédiat, donc il est assez frustré en fait quand il rencontre ce chevalier et sa famille qui sont c'est donc comme chez Chrétien, c'est Vendredi Saint, et en fait c'est la bonté de ce vieux chevalier, de sa femme et de ses filles qui sont en pèlerinage, qui vont un peu le convaincre d'aller chercher l'ermite très brisante, et en fait il va être guidé par le cheval, plus ou moins sous-entendu parce que le cheval est un cheval de Montsalvache, donc il a un côté un peu il sait où aller De la même façon que le cheval de Gauvin, en fait, Gringaliette, le Gringalet, donc, vient aussi du coup de Montsalvache. Il va avoir ce côté très... voilà, c'est un cheval un peu particulier parce qu'il est issu du château du Graal. Il arrive donc chez son oncle qui lui explique que le Graal est une pierre que des anges ont apportée du ciel, d'où ils ont été bannis parce qu'ils étaient neutres pendant la révolte de Lucifer. Ils ont choisi de ne pas prendre de côté. Ils se sont dit, ouais, on est centristes, et puis ils sont punis pour ça. Il reçoit d'une colombe tous les ans, le Vendredi c'est Saint. C'est des anges blairistes, en fait. Il y a une hostie qui descend du... Il y a une colombe qui descend une hostie tous les ans pour renouveler la puissance du Graal, en fait. C'est intéressant, parce que là, c'est pas l'hostie qui nourrit depuis le Graal, c'est l'hostie qui permet de nourrir le Graal. C'est un peu le carburant du Graal, en fait, l'hostie, en l'occurrence. Il dit que c'est la Lapsite Exilis. Alors, Lapsite Exilis, ça a donné beaucoup d'interprétations, généralement alchimiques, ésotériques, tout ce que vous voulez. Il faut mentionner qu'il mentionne la vertu, la craft, donc littéralement le pouvoir ou la force de cette pierre. C'est que l'oiseau phénix se consume et renaît de ses cendres, plus beau qu'il était auparavant. L'homme qui voit cette pierre, donc Gezirt, donc littéralement le regard, ne peut pas mourir la semaine qui la suit, donc même si vous êtes malade, vous avez une semaine de temps rien que de la voir, vous vieillissez pas, vous restez éternellement jeune à part vos cheveux qui deviennent gris. La pierre a une telle vertu que chair et os redeviennent jeunes sans tarder, donc vous vieillissez quand même un peu, vous avez vos cheveux gris, mais généralement probablement que vous avez des rides, mais vous restez bien jeune à l'intérieur, et c'est pour ça qu'Anfortas arrive à survivre. Il dit que c'est une Lapsis Exilis, donc est-ce que c'est une pierre qui exude ou qui... Parce qu'effectivement, on la voit à un moment exuder de l'eau, ou est-ce que c'est une notion alchimique de renouvellement ? Buchinger rapporte l'explication de Jean Fourquet, qui lui lit ça Lapis Textilis, donc la pierre textile. Pourquoi ? Parce que probablement, en fait, il pense à l'amiante. Et il dit, peut-être qu'il y a quelque chose de ce côté-là, en fait, c'est pour ça qu'elle serait liée à la... au phénix, etc. Personnellement, je ne suis pas très convaincu. D'autres gens ont proposé l'abscisse ex caelis, donc la pierre du ciel, ce qui serait littéralement possible. C'est une pierre qui descend du caelis. Exilis, qui exuderait. Et aussi, il y a un argument un peu textuel que textilis ferait peut-être, en termes métriques, marcherait peut-être un petit peu mieux. Mais bon, je ne suis pas extrêmement sûr. Il y a donc... aussi des messages qui s'affichent dessus, c'est-à-dire que sur cette pierre, on voit des choses qui s'écrivent. C'est un pager, ouais, c'est un beeper. Il y a des messages qui s'écrivent et qui disent, au fait, faites ça, il faut marier cette dame, faites pas ça. Envoyez tel chevalier à tel royaume pour le défendre. Et ce côté que, le château du Graal, c'est un peu la centrale d'intervention de Dieu sur Terre. Et t'as en fait un peu ce côté agent secret, c'est le shield un peu, littéralement. Et en fait, c'est la pierre du Graal, c'est genre le Tesseract qui leur donne les instructions des puissances divines pour un peu faire ce qu'ils doivent faire, quoi. C'est ce côté... Non, mais c'est vraiment ça, c'est ce côté... côté c'est très l'idée qu'il y a en fait tout va bien parce qu'il y a c'est le magic eight ball, il secoue et puis des espèces d'illuminati templiers qui en fait prennent toutes les décisions pour savoir quel royaume ils doivent aider et quel royaume ils doivent. C'est ce côté presque un peu conspirationniste finalement hein, qui est pas qui a pu avoir un certain raisonnement plus tard j'imagine, mais en l'occurrence c'est vraiment ça quoi. C'est le Graal est là pour servir un peu de conduit plus ou moins direct, que ce soit en termes de nourriture et en termes de savoir en fait. Et il y a donc, le Graal est entouré par des gens qui sont tous prêtres, chevaliers ou vierges. Ah, la trifonctionnalité, la première fonction, deuxième fonction. Et donc, il a toute cette compagnie de templiers. On n'a pas mentionné ses armoiries. Le cheval de Perceval, en fait, est marqué par une colombe, qui est l'armoirie du Graal, qui est un peu moins vindicatif que la croix qu'on attendrait pour des templiers, un peu plus pacifique et spirituel. Reconnaît ce cheval et il dit justement à Perceval, est-ce que tu serais pas ce type qui a buté cet autre type et qui a volé un de ses chevaliers? En fait, pas du tout, mais c'est l'histoire du cheval de Gauvin qui est aussi pris au château du Graal. Mais donc Perceval lui dit non, et puis il dit ah, et puis d'ailleurs au château du Graal il y a un idiot qui est venu et qui a pas posé la question et tout le monde est tombé. Et là Perceval dit ah non, ça c'est moi. C'est moi. Et il avoue que c'est lui. Son oncle lui dit que si t'as pas réussi à le faire, c'est par manque de compassion. Tu as tué le chevalier vermeil, t'as laissé mourir de chagrin ta propre mère, et donc si tu fais pénitence, tu pourras peut-être t'en sortir. Et l'oncle se porte un peu garant et lui dit ouais, je vais t'aider, je vais prier pour toi, etc. Et après avoir aidé à accomplir sa pénitence, son oncle lui offre une lance. Oui, il y a aussi ce que je trouve intéressant, c'est aussi qu'il y a des petites allusions à ce qui s'est passé avant. Typiquement, bon, on en a pas parlé parce qu'on va pas parler tous les détails, mais avant, Perceval avait prêté un serment pour innocencer Jechut en fait auprès d'Orgulus, et en fait il avait juré le serment auprès d'un ermite qui était proche. En fait, cet ermite, c'était très virisant. Typiquement, il pense aussi les détails. Par exemple, il y a aussi une relation avec... la plupart des événements qu'il mentionne sont des allusions à ce qui s'est passé avant, mais il y a aussi des événements qui ne sont pas... Il y a beaucoup de... C'est très allusif. Il y a un côté presque énigmatique, un peu comme dans les riddles en vie anglaise, ou même chez Tolkien. Il y a un côté où il parle du fait qu'il y a quelqu'un qui avait volé la virginité de sa grand-mère. Que Caïn avait, c'était Caïn qui avait pris la virginité de sa grand-mère, parce que la grand-mère c'est la terre, oui. Et que vu qu'Adam était créé de la poussière, donc la grand-mère d'Adam, c'est la grand-mère de Caïn, c'est la terre. Et en tuant son frère, il a souillé, donc pris la virginité de la terre. Il y a beaucoup d'énigmes comme ça. Il y a aussi une énigme avec des icebergs. À un moment donné, il y a un genre d'énigme. Il aime bien utiliser des énigmes un peu comme ça. Donc il y a ce côté très allusif quand même. Il va en faire plusieurs. Et il va aussi expliquer, notamment une allusion qui me fait marrer, c'est que il va expliquer pourquoi Amfortas est blessé. On l'a dit, hein, c'est pour l'amour d'une femme. Et en fait, il semblerait que cette femme, c'était, on la retrouvera plus tard, c'est l'orgueilleuse de l'ogre qui va finir avec Gauvin. Il aurait chevauché, il aurait eu le cri de Amor, donc ça aurait été son cri de guerre, qui était un peu, ça aurait été trop orgueilleux. Et surtout, normalement, tous ces chevaliers, prêtres, vierges qui sont au service du Graal n'ont pas le droit d'être en couple, à part le roi, et le roi doit prendre une femme qui est ordonnée par le Graal. Donc c'est, sur le Graal, ça s'affiche, voilà la femme que tu dois épouser. Et comme Anfortas n'a pas respecté ça, il se retrouve frappé par quelqu'un, par une lance empoisonnée dans les parties, et ils n'arrivent pas à la guérir. Et ils font beaucoup d'efforts, hein. Ils vont chercher notamment le rameau d'or de la Sibylle, donné par la Sibylle à Aéné, le sang du Pélican, parce que le Pélican est la figure du Christ, voilà. Pour renourrir ses enfants. Ils trouvent un cœur de licorne, oui. Et apparemment l'escarboucle, donc la pierre précieuse qui est derrière la corne de la licorne, ils ont charcuté ça, ils ont mis tout ça dans la plaie et apparemment ça marche pas. Ils utilisent diverses plantes, basiquement tout ce qui pouvait être utilisé dans une espèce de perspective médicale, ils essayent mais ça marche pas. Et finalement un jour le Graal leur dit, il sera guéri si quelqu'un pose la question, mais vous pouvez pas lui dire qu'il doit poser la question parce que sinon ce serait trop facile. Et donc ils attendent tous la venue de cette personne et ils désespèrent. En fait, c'est vraiment la pierre qui a donné l'idée que ça devrait être ça en fait. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on nous explique aussi que la lance, pour le coup la lance, alors c'est pas la lance du Christ en fait, c'est pas la lance de Longin, là c'est la lance qui a donné le coup, qui a blessé Amfortas en fait. Donc il y a vraiment un divorce complet du contexte christique. Enfin, j'ai pas envie de dire qu'il est directement là chez Chrétien, parce que c'est pas clairement dit que c'est la langue de l'engin chez Chrétien, mais c'est quand même une forte allusion à ça, alors que là c'est totalement évacué par ça. Il explique aussi d'ailleurs un détail intéressant, que les 25 jeunes femmes qui servent le Graal sont libres de partir. Oui. Les demoiselles du Graal, alors elles peuvent être envoyées, comme c'était le cas d'Erzeloid qui a été envoyé auprès de Castellis, donc son premier mari, mais c'est pas toujours le cas, elles peuvent partir. Par contre, les chevaliers, eux, doivent être envoyés par le Graal au service de, d'une population donnée. Donc, c'est ça aussi, ce côté un peu... cette séparation, disons, entre les hommes et les femmes au service du Graal. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Vierzante n'est plus auprès du Graal, c'est qu'il avait évidemment renoncé à son serment pour le service d'une femme, en fait. Et du coup, il va rester après, auprès de lui quelques jours, où il va finir de l'éduquer, finalement. Il écrit vraiment tous les détails, hein, genre pourquoi il a rencontré Amfortas alors qu'il pêchait, parce qu'en fait, Amfortas va se baigner dans le lac, parce que ça soulage sa douleur, tout est expliqué. Et puis, personne dit, je pensais qu'il pêchait, puis il dit non, il ne fait pas ça. Ouais, il a une ligne qui ressemble un peu à celle de Chrétien, ni saumon ni lamproie. Il dit, ne crois pas qu'il pêche des saumons et des lamproies, je l'ai remarqué aussi. Ouais. C'est directement... Alors qu'en fait, chez Chrétien, bah, ça décrit ce que fait le Graal. Le Graal ne sert pas à des poissons, il sert l'hostie, alors que là c'est clairement le Graal, bah, sert n'importe quelle nourriture, et là c'est lui qui ne pêche pas, alors qu'il a pêché ironiquement. Voilà, puns. Il faut mentionner qu'il a été blessé, donc là on a parlé que les coups douloureux c'était toujours un peu, bah, là, vous avez parlé notamment dans le cycle du Lancelot Graal, c'était un peu confus, il y avait une quatorzaine de coups douloureux qui étaient toujours, et à chaque fois qu'il y en avait un vous disiez c'est enfin le coup douloureux, puis vous dites non, c'est pas celui-là, c'était un autre. Là en l'occurrence celui qui a frappé c'était un païen issu du pays d'Ethnies, donc un ethnique en fait, où le tigre sort du paradis, qui avait marqué Graal sur sa lance parce qu'il cherchait le Graal et il pensait que sa vaillance seule lui obtiendrait le Graal. Et donc là, je pense qu'il y a l'idée justement que malgré ce que pourrait être la morale naïve, quelque personne obtient le Graal purement par sa vaillance, ce qui est un peu ce qu'on a l'air de conclure quand on lit le livre, c'est pas possible. Vous pouvez pas être un païen et obtenir le Graal, c'est ce qui va être conclu assez explicitement après. Mais je suis vraiment fan des moments où ils essayent de soigner Amfortas avec littéralement des reliques millénaires hyper importantes et puissantes. Nous prime de l'eau dans le Géon, le Fison, l'Euphrate et le Tigre, les quatre fleuves qui s'écoulent du paradis, du parfum suave, certaines herbes, le fameux rameau que la Sibylle conseille à Aenée pour le protéger des périls, oui, des enfers. Oui, l'herbe au dragon, ce genre de truc, c'est tout à fait... c'est une liste vraiment d'un antre à la Prévert, quoi, littéralement. Et c'est ça qui est assez rigolo, c'est que il y a rien qui marche, mais le Graal lui-même l'empêche de mourir, donc il peut pas être guéri, mais c'est très Deadpool en fait. Ouais. C'est ça en fait, il peut pas mourir, mais en fait il va souffrir en permanence. Et d'ailleurs c'est pour ça aussi que Titurel, le vieil homme qui reste donc auprès du Graal, ne meurt pas, le premier détenteur du Graal, parce que lui il le voit le Graal tout le temps, donc il peut vraiment littéralement pas mourir. Très Vierzante finit par faire jurer à Perceval de servir Dieu et de ne pas maltraiter les femmes et les prêtres. Et du coup, c'est là qu'ils se séparent finalement. Yes, the two genders. Les femmes et les prêtres. la bipartition. donc du coup, voilà, c'est sur cette note-là que Perceval va... Après ce cours express du catéchisme du Graal. Et alors là, il est beaucoup plus détaillé, je trouve, que chez... c'est comme si, chez Chrétien, soudainement, l'ermite avait fait une parenthèse pour raconter les origines de Grâce depuis Joseph d'Arimathie, en fait. Ouais. Alors que ce n'est pas le cas. Il y a ce côté un peu mystérieux, il explique juste les faits, alors que là, vraiment, toute l'origine, tout est expliqué. Et on va revenir, du coup, avec le livre 10, à l'histoire de Gauvin. Et alors là, pour le coup, la joute qu'on nous avait promise entre Gauvin et King Grimursel a été annulée, simplement. Et en fait, Gauvin et le roi Vergulaire se sont juste occupés à chercher le Graal. Et là, on va reprendre avec l'histoire de Gauvin et l'orgueilleuse de l'ogre. Il va rencontrer le chevalier qui va lui voler son cheval, qui est ici le prince Urien de Pontourtois. Et en fait, l'histoire est assez différente et honnêtement un peu moins reluisante. Elle est bizarre. C'est-à-dire qu'une des dimensions qui s'approche, c'est qu'à la base, il aidait un peu le chevalier qui était blessé à moitié mort, justement, qu'on trouvait sur la frontière avant Shanguin. Là, il va utiliser des savoirs médicaux qu'il connaît. Oui, il va l'intuber en fait. Il va prendre un tube et il va le planter près de son cœur pour enlever le sang qui appuie sur le cœur. Alors, je sais pas si c'est médicalement très recommandé aujourd'hui, mais c'est l'idée médiévale que si vous avez trop de sang à un endroit, ce qui est vrai, il faut l'enlever. Si t'as un hématome sous l'hématome, faut peut-être l'enlever, et il le fait avec l'écorce d'un arbre. Il fait une espèce de petit tube. Il va lui planter. C'est littéralement une intubation. C'est très drôle. Et il trouve aussi une herbe qui dit va aider à cicatriser. Et il arrache la racine et Et puis justement, l'orgueilleuse de l'ogre se moque de lui pour ça. En fait, le chevalier a été blessé en combattant Lichwesque Joelius, le duc de Govardine, qu'on va apprendre plus tard est un des hommes de l'orgueilleuse de l'ogre en fait. Et en fait, dans le premier temps. Voilà, il va rencontrer l'orgueilleuse de l'ogre, qui s'appelle donc Orgueluse, donc de la même façon qu'Orgulus, l'orgueilleux est appelé Orgulus. Là, c'est son prénom, Orgulus de Logroès. Vous précisez que ici, Logroès n'est pas associé au roi Arthur, puisque l'équivalent de l'ogre pour le roi Arthur, ça s'appelle Lever ou Lever. Donc, c'est pas le royaume d'Arthur. Donc, d'ailleurs, c'est le royaume qui est proche de cette région où il y a le château de la merveille, etc., apparemment. Voilà, et en fait, donc, comme chez Chrétien, elle va lui demander d'aller chercher son cheval dans un verger, ce qu'il va faire. Et c'est là qu'en fait, il va rencontrer Malcréature. Alors Malcréature, c'est un nain, et il est aussi laid comme Kundry la sorcière. Il arrive. En fait, on nous explique les origines de Malcréature et de Kundry. Ils ont été envoyés auprès du Graal par la reine Sekundi d'Inde, donc de Tribalibot. Tribalibot. Qui est la femme, l'amie de Ferfis, plus ou moins. Mmh. Et en fait, elle avait envoyé des cadeaux à Anfortas, et Anfortas avait lui-même envoyé Malcréature à Orgulus comme serviteur, en fait. Et alors, il y a ce moment où Malcréature insulte Gauvin, puis Gauvin, je le balance par terre, ouais. Qui est très... Et se blesse, d'ailleurs, il a des cheveux de soie de porc épique, alors il se blesse en lui attrapant les cheveux. Oui, c'est ça. Il s'ensanglante la main grâce à ses cheveux. Et en fait, ils reviennent auprès de Durien, et là, il a récupéré l'air, donc il le soigne. Et là, du coup, Urien, on nous explique l'histoire d'Urien, qui, comme chez Chrétien, était en fait... Alors, c'est beaucoup plus détaillé que chez Chrétien, hein. Non, c'est vraiment une procédure qui pourrait être une procédure standard pour viol, c'est-à-dire que Urien viole une femme, qu'elle crie, alors il faut qu'elle crie parce que sinon ça compte pas comme un viol, mais c'est ce qui se passe, et du coup là en fait Gauvin a un rôle qui est beaucoup plus glauque, parce qu'à la base en fait on apprend que chez Chrétien on dit juste « Ah oui Grigoras, je me rappelle, je t'avais condamné à manger avec les chiens en punition de ce crime », là en fait on apprend que la punition pour Urien ça aurait été la mort, et que ce sera commuté uniquement parce qu'il implore Gauvin, et que Gauvin justement parle, et il dit à la dame « Oh mais vous savez, vous êtes pas très contente de ce viol, mais il faut peut-être vous réconcilier avec lui et puis ne plus être lui en vouloir comme ça, et puis en fait le fait de manger avec les chiens c'est une façon de commuer sa peine, en fait de manger avec les chiens pendant 4 semaines c'est une peine de substitution. D'ailleurs l'orgueilleuse de l'ogre lui dira, puisque vous avez choisi de pas le punir, alors il l'a quand même puni, mais elle dit clairement, elle considère que la punition appropriée ce serait la mort, et que donc le fait que Gauvin ait choisi de pas le faire, ça montre qu'il a renoncé à punir ce crime. Mais il y a un passage qui est quand même assez, c'est quand même assez bizarre, parce qu'il se dit justement Gauvin, le type l'implorait. Et Gauvin se dit, il faut quand même que j'intercède pour lui et que je l'aide, ce qui n'est pas vraiment très reluisant. Et puis manifestement vient revient le hanter avec ce type qui vient lui voler son cheval, etc. Mais la scène est un peu moins... Ouais, c'est moins reluisant pour Gauvin, c'est effectivement. C'est moins reluisant pour Gauvin. Surtout la scène où il dit à la dame, oh, mais vous savez, il faut... Faut pas vous en faire comme ça, effectivement. Ouais, c'est pas terrible. Et du coup, malgré le fait qu'il se soit fait voler son cheval, Malcréature lui propose de prendre un cheval tout chétif, tout frêle, ce qu'il va refuser. Il va préférer marcher à pied, en fait. Et Orgulus va de nouveau se moquer de lui pour ça. Mais on nous dit qu'en fait, il est tellement amoureux d'elle, il tombe tellement amoureux d'elle parce qu'elle est tellement belle qu'il va s'en ficher un peu de ses insultes. Et ça va être le leitmotiv, en fait, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment... elle arrête de l'insulter parce qu'elle est aussi amoureuse de lui, en fait. Mm-hmm. Ça va être ça, en fait. Elle va juste... C'est vraiment... Ah, these two. Ce côté Sam and Diane, un peu comme ça. Et du coup, elle va aller prendre un passe. Elle va traverser une rivière et elle va laisser Gauvin derrière, qui va se battre contre un certain Lichwe Gwelius. Donc, c'est celui qui avait été battu par Urien, qui avait battu Urien avant. Et qui du coup semble avoir rebattu Urien parce qu'il a le cheval Urien avait volé à Gauvin. Urien disparaît complètement, hein, ouais. Il me semble pas qu'il revient après. Et là on nous explique l'origine du cheval de Gauvin qui s'appelle Gringaliette ou Gringuliette. Et en fait on nous apprend que Gauvin avait reçu ce cheval d'Aurilus qu'il avait lui-même fauché à un chevalier du Graal parce qu'il a le symbole du Graal dessus. Il a une colombe, probablement une colombe marquée au fer rouge sur le cul. Voilà, quelque chose comme ça, exactement. Bah, c'est ce qui est impliqué. Hein. Et en fait, du coup, il y a une scène où Plipalinote, le passeur, va dire « Attendez, vous avez pris le cheval de ce type ?» Mais attendez, il avait pris ce cheval, donc quand vous battez quelqu'un, que vous prenez quelque chose, ce quelque chose il revient à moi quand c'est ici. Et en fait Gauvin va comme chez Chrétien il magouille pour lui donner une rosse, ouais, parce qu'en fait il dit qu'il avait été démonté d'abord par l'Ichoise, donc techniquement c'est lui le premier à avoir été battu, donc il doit recevoir le cheval, puis le ferryman lui dit en fait finalement il préfère lui donner l'Ichoise tout simplement, il donne comme prisonnier, et puis Palinot dit c'est mieux d'avoir un chevalier qu'un cheval de toute façon. Il va être hébergé par ce passeur. Plipalinote. Ouais, c'est pas vraiment c'est un passeur, mais c'est vraiment un vavasseur en fait dans les fonctions. Il a une petite maison pas loin, et puis il va notamment, il y a la fille de ce Plipalinote qui va jouer un assez grand rôle. Benet, elle s'appelle, je crois. Ouais, elle va tomber un peu amoureuse de Gauvin, donc elle va être un peu au service d'à peu près tout le monde. Bien entendu, il y a un passage très pour ta fameuse thèse, Large Sons. Oui, parce qu'il a deux grands fils, donc les Large Sons dans la littérature arthurienne, une étude comparée. Et il lui explique en fait d'où il se trouve en fait, et il se trouve qu'en passant la rivière il est arrivé dans la terre de Clinshore, c'est la terre d'aventure en fait. Mmh. Et Clinchor est un sorcier qui visiblement est celui qui a enchanté le château de la merveille et il tient prisonnier ses 400 damoiselles dedans. Alors on nous expliquera un peu qui est Clinchor plus tard, je vous laisse la surprise, hein, mais on le rencontrera pas. Je peux déjà vous dire que Clinchor c'est un peu le grand méchant, mais on le voit pas du tout. Il a un peu une succession parce que c'est un des éléments de Wolfram qui se retrouve chez Wagner, même si très différent, mais l'enchanteur. Oui, c'est lui le méchant chez Wagner en fait. Et alors du coup, il va aller voir ce château. Il voit les demoiselles par les fenêtres, hein, et du coup il va décider d'aller simplement défaire le château de la merveille. Alors là c'est beaucoup plus expéditif, j'ai l'impression, que chez Chrétien, c'est très rapide. Alors il y a une intervention d'un type qu'on va revoir à plusieurs reprises, qui est un espèce de vendeur de rue qui a qui semble être... Alors, au début, on a l'impression qu'il est un peu pauvre, mais en fait, il a une quantité de merveilles magiques impressionnantes dans son échoppe, ouais. Et il va laisser le cheval avec ce type. Le vasseur lui disait basiquement, laissez votre cheval, puis achetez-lui un truc, laissez-lui quelque chose en gage, comme ça, il sera un peu obséquieux à votre égard. Puis il y a des opinions assez négatives, justement, des marchands, le pêcheur que Perceval soudoyait, ou voilà, c'est des gens qui font les choses pour l'argent, mais vraiment, ils ont pas vraiment d'honneur, donc il faut les payer pour qu'ils se tiennent tranquilles et qu'ils vous aident. Mais... ils sont pas vraiment vus très positivement. Et en fait, il va entrer dans le château, il va tomber sur la scène du lit merveille, donc le lit de la merveille. Et en fait, alors c'est un peu le lit est monté sur roulette en fait. Et une fois qu'il est mis, il doit sauter dessus déjà parce que le lit court d'un bout à l'autre de la pièce. Et il va pendant qu'il est dessus, le lit se fracasse contre les murs en faisant du bruit. Il cogne, il se balade, bam bam bam. On dit que le sol est extrêmement lisse parce qu'il est fait de pierres précieuses apparemment. Donc il a déjà la peine à marcher sur le sol sans tomber. Est-ce que c'est très jeu vidéo un peu Les roues du lit sont aussi en pierres précieuses en fait. Donc on a vraiment cette idée que c'est un peu pas magique, mais il y a cette idée que les pierres précieuses ont des propriétés presque surnaturelles. Et donc, il se couvre avec son bouclier pour s'abriter un peu contre le bruit, alors qu'il est en train d'être valdingué de gauche à droite. Oui, non, c'est ça. Il va être vraiment... en plus, visé par des arbalètes, par des pierres, par même un lion qui va l'attaquer. Et en fait, finalement, il va réussir à battre à peu près toutes les merveilles du lit, en fait. Donc, il est un peu... il taillade le lion, puis il se retrouve... Il y a une main du lion qui reste coincée sur son bouclier. D'ailleurs, c'est une représentation qu'on trouve parfois, justement, où il y a, dans cette épreuve du lit de la merveille ou du château de la merveille. Il tombe par terre, évanoui. Donc, il y a un lion à moitié tranché en deux sur lui, du sang partout. C'est horrible, il bouge plus. Il y a des dames qui viennent voir est-ce qu'il a réussi, puis elles pensent qu'il est mort. Et il y a un passage assez intéressant de nouveau sur le plan médical, des connaissances médicales de Wolfram, c'est que pour voir s'il est mort ou pas, il y a une des dames qui prend un peu de zibeline sur les vêtements de Gauvin et qui met quelques poils sous son nez pour voir s'il respire. Donc il y a un moment très vivace comme ça où la première croit qu'il est mort, mais il y a la deuxième qui dit « Attends, non, on va voir s'il respire et on va diagnostiquer de façon assez intelligente en fait. » Donc c'est souvent ce qu'on fait, soit on regarde s'il y a un mouvement de poitrine, soit on met un verre pour voir s'il y a de la buée, soit un petit fil pour voir s'il y a un souffle qui sort. Qui est assez intéressant, on voit justement des choses un peu concrètes que Wolfram a l'air de connaître, comment voir si quelqu'un est mort. Il semble avoir l'habitude de ce qu'on appellerait le nitty-gritty. Et du coup, c'est là que va se finir le livre. En fait, il va être soigné par la reine Arnive, qui est retenue aussi dans le château. Et en fait, on nous a expliqué plus tôt que Arnive, en fait, c'est Gerne, c'est la mère d'Arthur, c'est la mère d'Arthur et la mère de Gauvin. Et en fait, la mère de Gauvin se trouve aussi ici, Sangive, et ainsi que ses deux sœurs, qui s'appellent. Alors, il y en a une qui s'appelle. Alors, c'est pas Sœur d'Amor, ce coup-ci. Il y a sa sœur Itonje ou Itonie. Itonie ou Itonje, ouais, c'est pas. Et Kundry. Qui est aussi, alors qui a le même nom que Kundry la sorcière, mais qui n'est pas Kundry la sorcière, hein, je vous rassure tout de suite. Et il va être retenu un peu quand il récupère. Sa grand-mère le soigne avec un baume qu'elle a reçu de Kundry la sorcière, qui est aussi un baume utilisé pour soigner Amfortas. Donc visiblement, Kundry, elle peut aller vraiment partout, puis donner des petits. Des items magiques. Des items magiques, voilà, elle nourrit les gens, elle leur donne. Et il va donc explorer le château, il va découvrir un pilier magique dans le château. Qui a été volé à la reine Segondi, donc la chef de Kundry et Malcréature. Et depuis, il peut voir... En fait, c'est un espèce d'œil de Sauron qui permet de voir ce qui se passe alentour. L'idée, c'est que c'est un miroir qui, basiquement, partout autour, projette de la lumière, et puis on voit l'image de tout ce qui se passe autour à Silieu à la Ronde. Il ne sert pas à grand-chose dans l'histoire, mais il y a des moments... Il voit quand même... ce qui intéresse, c'est qu'il voit la Orgelus, donc tout est toujours amoureux, qui arrive avec un chevalier qu'on appelle le Turquouette. Ouais. Alors, ce n'est pas un Turc. Hein. J'y pense au début, c'est un Turc. En fait, un Turquouette, c'est un... Un Turcoplier. C'est un Turcoplier, exactement. C'est un type de... En fait, c'est un... Comment dirais-je, une classe de guerriers qui se bat avec un arc à cheval, en fait. Ouais. Et en fait, en l'occurrence, c'est un type qui s'appelle Florent d'Itolac, donc c'est pas vraiment un Turc, mais... Gauvin se dit, je vais le défoncer, voilà, c'est parti. parce qu'il est toujours, il est très jaloux, il aime tellement Orgulus qu'il peut pas supporter l'idée qu'elle est avec un autre chevalier. Il va le battre, il va l'envoyer au château, et en fait elle va toujours le rejeter. Elle va dire non, je t'aimerais que si tu m'apportes une branche d'un arbre qui est gardé par le roi Graham of Lantz et qui se trouve dans la forêt de Clinchore. Alors là, on est au livre 12. On est passé au livre 12. Il va y avoir l'épisode du saut de la rivière, donc comme chez Chrétien de nouveau, hein, il va réussir à sauter, mais son cheval va tomber dans la rivière et dériver un petit peu. Alors il va récupérer son cheval. De nouveau, c'est beaucoup plus concret que chez Chrétien. Il dit il va prendre sa lance pour essayer de pousser son cheval, pour essayer de revenir. C'est beaucoup plus matériel sur comment. Ouais, il s'intéresse beaucoup aux petits détails, aux petits événements. C'est ce qui aussi explique. Ça explique aussi pourquoi c'est beaucoup plus long que Chrétien. Oui. Du coup, il va récupérer son cheval, il va récupérer la branche, et alors il va arriver face au roi Graham of Lantz, qui arrive avec un faucon. Il a un faucon à la main qui lui a été donné par Itange. Et on apprend en fait que Itange, la sœur de Gauvin, est amoureuse de lui et que lui est amoureuse de la sœur de Gauvin. Oui, c'est beaucoup plus clair que chez Chrétien, où la continuation devait un peu retconner ce que Chrétien avait dit, où c'était pas vraiment clair si Clarissant et Guillaume Lant étaient amoureux. Là, par contre, c'est clair qu'ils sont les deux très amoureux. Mais Graham of Lantz est un peu ambigu parce que c'est lui qui a tué l'ancienne amie de Orgelus. Et c'est pour ça qu'elle est si malheureuse, qu'elle déteste Gauvin, et puis qu'apparemment elle aime bien envoyer des gens à la mort pour essayer justement de défaire Graham of Lantz. Faut dire aussi que Graham of Lantz a une histoire avec Gauvin et sa famille, parce qu'il a jamais vu Itange, mais il est amoureux d'elle. Mm-hmm. L'échange de messages par faucon intermédiaire, j'imagine. Et en fait, il sait qu'elle est la fille du roi Lot, mais il est fâché contre le roi Lot parce que le roi Lot a tué son père, le roi Hiroth. Donc il veut se venger contre Gauvin. Il y a un peu la même scène que chez Chrétien où justement Gauvin finit par admettre son nom. Mais là, c'est très drôle parce que ça se passe dans une seule phrase où il dit « Je vous ferai savoir que Gauvin, de toute façon, le fils du roi Lot, est extrêmement noble. Et d'ailleurs, c'est moi !» Oui, il commence sa phrase comme ça allait être une de ces scènes où il parle de lui-même à la troisième personne et puis un peu d'humour. Puis en fait, non, il craque et il dit « Non, c'est moi. » Et du coup, ils vont se promettre de s'affronter en duel devant... sur la plaine de Joflands, près de la rivière de Plimisoel. Et du coup, il va revenir avec sa branche, il va donner la branche à Orgulus, il en fait une couronne apparemment pour elle. Voilà, et elle va lui promettre des présents au château de la merveille. Et il va en fait lui dire qu'il lui dira pas son, enfin elle sait son nom techniquement, mais elle va promettre un serment ambigu qu'elle ne va pas révéler son nom à qui que ce soit. Oui. Parce qu'elle l'a entendu quand il a parlé, quand il a discuté avec Urien, mais personne a explicitement dit à elle le nom de Gauvin. Donc elle va s'en sortir en disant « Ok, je vous dirai pas votre nom, je dirai que personne me l'a dit à moi. Personne ne m'a dit son nom », ce qui est vrai. En fait, parce qu'il veut encore cacher son identité aux gens de la cour du château de la Merveille, parce qu'ils savent pas qu'il est Gauvin, leur petit-fils, fils et frère. D'ailleurs, la lettre qu'il va envoyer à Arthur pour avoir du renfort est écrite en secret, donc on voit Gauvin qui a écrit sa lettre et qui peut l'envoyer, mais il s'assure que l'émissaire qu'il envoie ne soit pas intercepté par sa grand-mère, en fait. Il veut éviter qu'elle sache ce qu'il fait. Je ne sais pas trop pourquoi exactement. Ouais, c'est un peu mystérieux, genre, mais... vous allez voir en temps et en heure. D'ailleurs, c'est, en fait, le combat contre le roi... Graham of Lantz va permettre en fait de résoudre à la fois le problème de sa vengeance contre le roi Lot, mais aussi va permettre de venger Orgulus finalement, parce qu'Orgulus aimait beaucoup un personnage nommé Sidegast, et en fait il avait été tué par Graham of Lantz, et c'est pour ça qu'elle avait choisi Amfortas pour la venger en tuant Graham of Lantz. Et du coup, c'est là que Graham of Lantz a été blessé, en fait. Graham of Lantz avait aussi essayé d'enlever Orgulus et puis de la forcer à l'aimer, donc il y a l'idée aussi qu'il l'a kidnappé. Et donc... Et du coup, elle a donné les présents que Amfortas lui avait donnés à elle, à Clinchore, pour essayer de l'apaiser, parce qu'elle suspectait que c'était Clinchore qui avait causé la blessure d'Amfortas. Donc on n'est pas tellement sûr du rôle de Clinchore dans tout ça, en fait. Non, mais aussi, apparemment, elle essayait d'attirer des gens à aller au château de la Merveille, puis elle essayait de faire ça aussi, notamment parce qu'elle pensait que si Graham of Lantz essayait, il serait buté. Puis donc elle essaye soit d'amener des chevaliers à aller chercher une branche pour buter Graham of Lantz, soit à envoyer Graham of Lantz au château de la Merveille, puis Graham of Lantz il dit « Oh, on me la fait pas, moi, je sais que c'est un attrape-couillon. » Exactement. Et on apprend aussi qu'un autre chevalier avait refusé ça, c'est que... un certain chevalier vermeil. Qui avait été aussi passé par le passeur, ouais. Qui était passé avant et qui avait battu 5 chevaliers au service de la demoiselle Orgulus. Il a tabassé tout le monde et il criait « Il est où le Graal ?» Voilà. Mais qu'il a refusé de la servir, du coup, parce qu'il s'en fiche. Il a sa femme, déjà. Non, il dit « J'ai déjà une femme qui est plus belle que toutes les femmes, et puis le Graal me fait assez de soucis, hein, et puis il s'en va. » Et donc, c'est un nouveau motif de personnel qui était déjà là. Voilà. Et du coup, Gauvin lui fait promettre de ne pas révéler son nom, et ils partent au château de la Merveille. Et c'est là qu'elle voit, en fait, le visage de Gauvin pour la première fois, en fait, parce que jusque-là, il avait toujours son armure, visiblement. Et donc, du coup, elle demande au passeur de libérer l'Ichouès et le Turquouette parce que bah, finalement c'était, ils étaient à son service et ils n'ont rien fait vraiment de mal, donc ils acceptent et tout le monde est heureux, tout le monde est bien au Château de la Merveille. Alors Clinchorn est tout à fait pas dans le... Visiblement, le sortilège a été rompu, donc le maléfice de Clinchorn est rompu, mais Clinchorn va pas se montrer à un moment ou à un autre, donc c'est vraiment assez bizarre le rôle de Clinchorn. On dit apparemment que c'est un homme d'honneur, donc il disait justement, si quelqu'un réussit cette tâche du Château de la Merveille, le lit de la Merveille, tout le monde sera libéré. Et le texte dit explicitement... Même le plus proche de ce que c'est un grand méchant, Clinchorn est juste bon, hop, finalement. D'ailleurs, on explique aussi d'où vient Clinchorn, c'est qu'en fait, c'était il était l'amant d'une femme et puis il a été surpris au lit par le mari. Il est l'amant de la reine de Naples, je crois, et puis le roi de Naples l'avait surpris au lit et l'avait donc castré. Il l'avait châtré pour le punir de ça. Et puis, comme un chapon, littéralement, on dit il est comme le chapon. Et puis à cause de ça, bah, il était un petit peu, qui sait pourquoi, il était un petit peu aigri, où il dit justement qu'il aura, en termes d'amour avec les dames, ce qui est l'axe fondamental de l'existence humaine dans ce texte, bah, il est plus... Alors du coup, voilà, il va, maintenant que tout le monde est libéré, il va pouvoir organiser son tournoi avec Gramoflante. Il va envoyer, donc, comme on l'a dit, un message à Arthur et à Guenièvre pour qu'ils arrivent avec leurs hommes et leurs demoiselles pour assister au tournoi. Et en fait, il envoie d'abord son page chez Guenièvre. Et il y a une scène où, en fait, on va voir que le page va rencontrer la reine dans sa chapelle. Et c'est très rigolo parce que d'habitude, on s'attendrait à ce qu'il arrive en pleine cour. Puis, comme d'habitude, il dénonce tout. En fait, il va rencontrer la reine en privé qui va organiser son arrivée en public. Qui dit il faut que tu arrives comme si tu avais le feu aux trousses et que tu étais poursuivi. Et puis tout le monde va se dire ah, c'est très. Un peu pour se moquer, en fait. On a l'impression que c'est un peu. Bah, quand il arrive. Puis ça se trouve, la reine, bah voilà, elle est dans sa chapelle en train de prier. Bah, il lui donne la nouvelle. Puis il n'y a personne autour. Donc il dit non, il faut que ce soit clinquant. Il faut que ce soit comme dans Chrétien. Il faut que ce soit bien. Il faut que tu refasses une entrée dramatique. Exactement. Et ça, c'est très drôle. C'est presque un commentaire sur vraiment la tradition d'arriver à la cour pendant que tout le monde est en train de manger. Et du coup, il va, dans l'intervalle, vu que même s'il il doit se battre contre Gramoflante, c'est pas pour autant qu'il va s'empêcher de lui rendre un service. Et donc, sans révéler à Itonge qu'il est son frère, il va lui donner l'anneau que Gramoflante lui avait donné pour elle. Et en fait, elle a dit « Ah, mais c'est moi qui avais donné cet anneau à Gramoflante pour lui promettre mon amour. » Et elle se sent un peu... emprisonnée, visiblement, c'est pas très clair, elle lui donne pas, elle sent qu'elle peut pas tout de suite lui donner son amour parce qu'elle est en dehors de sa propre terre, sous-entendu elle a des autres contraintes sur elle. Et elle est un peu anxieuse parce qu'elle sait qu'Orgelus veut que Gramoflante meure, et elle est pas non plus très heureuse du fait que Lichois et Florente veulent aussi la mort de Gramoflante parce qu'ils sont au service d'Orgelus. Donc il y a une grande réjouissance. Il y a des armées qui s'installent. Voilà, les armées qui commencent à arriver autour du château, Gauvin et les hommes d'Orgelus. Et alors là, on nous dit explicitement que Gauvin et d'Orgelus se retirent pour une nuit de délices au lit et que heureusement, il avait l'herbe de l'amour qui le réconforte. Alors il a été charcuté par toutes les flèches et les pierres qui lui étaient arrivées dessus dans le lit de la merveille. Et il est genre bandé, il est couvert de bandages des pieds à la tête probablement. Ouais, mais on dit que c'est heureusement il y a des bons onguents de Kundry qui lui permettent justement de faire son petit business. Et puis notamment il y a un moment où justement Orgelus dit qu'elle va s'occuper de lui au lit, donc ça sous-entend oui, c'est exactement ça. Et c'est vraiment pas seulement, on a l'impression de voir une scène dans les, c'est vraiment le faire crac crac dans les Sims, tu sais. Ouais. Bon, puis, la description, c'est très, t'as l'impression de voir les petits cœurs qui sortent de la porte de la chambre, le lit qui tourne sur lui-même, ce genre de truc. C'est très très drôle. Il est vraiment, il est aussi explicite qu'il peut l'être en fait. En termes de c'est très PG-13, ça reste quand même assez avancé, disons. Et en fait, c'est là que ils vont consommer leur relation. Et alors, on nous relate comment effectivement l'écuyer envoyé par Gauvin, le page, arrive chez Guenièvre, lui transmet sa requête, lui promet. En fait, je trouve que c'est qu'elle peut lui promettre que ses demoiselles arriveront, mais pour les chevaliers, il faut que il apparaisse d'un coup héroïque. Que du coup, il décide de tout se déplacer. En fait, le roi Arthur est un peu fâché parce que Gramoflante est aussi son cousin et que Gauvin est son neveu, donc il se dit c'est pas possible, ils peuvent pas se battre entre cousin et neveu, donc il faut qu'on se rende à Geoflante pour empêcher ça. Et du coup l'écuyer va revenir après auprès de Gauvin, et Gauvin est donc du coup soulagé d'apprendre que son oncle va pouvoir arriver. Donc après l'explication donc des origines de Clinchorn dont on vous a déjà parlé, j'aime beaucoup l'explication, c'est qu'il a été rendu lisse entre les jambes. Il est devenu un Ken, en fait. Un Ken. Et en fait, on nous apprend aussi le nom de la femme du roi de Sicile ou du roi de Naples. Le roi Ibère, bah, Sicile et Naples, c'est les deux Siciles. Et qu'elle a... En fait, il a couché avec la reine Iblis. Oui. Iblis, ben... Clairement, une manifestation diabolique. Bah oui, parce que dans le Coran, c'est le nom de Satan, en fait, Iblis. Oui. Probablement dérivé du grec diabolus. Bon, on vous invitera... c'est pas le sujet de ce... C'est pas le sujet de... On va finir par faire de l'exégèse coranique. C'est suffisamment hérétique comme ça. Et on nous apprend d'ailleurs qu'il a appris la magie, Clinchor, non pas en Perse, mais à Persida. Il dit Persida qui n'est pas la Perse. Oui, c'est ça. L'air de dire ah non, vous croyez qu'ils apprennent la magie en Perse? Non, c'est on dit qu'ils s'appellent Persida. Persis factoid actually wrong. Magian, Georg Magian, Georg Clincher actually learned magic in Persida 12,000 times. Je sais pas. Oui, donc on fait, c'est vraiment cette espèce de micro-correction un peu pédante. Je pense que vous avez remarqué aussi que le rythme de l'histoire ralentit énormément. Genre les livres. Les livres 12, 13, 14, il se passe très peu de choses. Honnêtement, c'est long et pas très intéressant. Livre 14 est le pire, peut-être. Vous avez... Bah oui, parce que, en fait, du coup, quand tout est expliqué, quand Clinchor est... La ligne d'origine de Clinchor est l'identité révélée et qu'on espère, bah voilà, il va nous laisser tranquille maintenant, c'est le moment où Arthur arrive. Et alors, du coup, Arthur permet d'organiser le passage de la rivière. Et en fait... Arthur, vu qu'il sait, personne ne sait qui est Arthur, il est en fait attaqué par les hommes d'Orgeluse. Il y a une espèce de combat parce que la duchesse, bah, Orgeluse, la duchesse de Logue, ne sait pas exactement qui ils sont. Je dis, bon, mais qui c'est, vu que, bah, vu que Gauvin a envoyé le message en secret, elle n'est pas exactement. C'est pas très malin. Qui c'est. Et donc ils se battent. Et finalement, en fait, Gauvin révèle son identité, révèle que c'est l'armée d'Arthur et que du coup, il va avec les femmes emprisonnées par Clinchor. Se présenter auprès d'Arthur et va là révéler l'identité de Darnive, donc la mère d'Arthur, Sanguive, sa sœur, et les deux sœurs, ainsi que présenter la duchesse, donc c'est toujours la duchesse, l'Orgeluse de Logre, en fait. En fait, du coup, Arthur va organiser une espèce de sommet parce qu'il pense que c'est idiot de se faire se battre Gramoflantz et Gauvin, mais Gauvin va quand même se préparer à se battre. Et en partant pour aller se préparer... Pour s'entraîner, en fait. Ouais, pour s'entraîner, il va rencontrer un chevalier près de la rivière. Et ce chevalier, ben, il a une armure vermeille. Et on arrive au livre 14, qui va être en fait un long récit de combat. D'abord entre Perceval et Gauvin, parce que Gauvin pense que le chevalier, c'est Gramoflantz. Voilà, il se dit, ça doit être Gramoflantz. Ils se battent les deux. Et il a le dessous, clairement. Il est en train de se faire... il est en train de se prendre une belle raclée. Quand des écuyers arrivent et disent, Monseigneur Gauvin. Et puis Perceval, se rendant compte que c'est Gauvin, il dit, mais c'est mon cousin, je suis déshonoré. Et il jette son épée et il dit, j'aurais pas dû me battre. Du coup, le combat est interrompu. Sauf que le problème, c'est que maintenant, Gauvin est complètement à plat. Genre, déjà qu'il était pas en forme, il était blessé de partout, etc. Mais là, en plus, il est épuisé. Et là, il y a un long débat sur... Qui c'est qui doit se battre avec qui, en fait, voilà. Parce que Parsifal propose de se battre à la place de Gauvin. Il y a Gramoflantz qui débarque, qui dit « Mais je peux pas me battre avec vous dans cet état, il y aurait aucun honneur, parce que vous avez aucune énergie. » Perceval dit « Je peux me battre. » Gramoflantz dit « Non, peut-être. » On repousse on en parle pendant des heures, jusqu'à ce que finalement... Et puis après, il y a la question de « Mais est-ce que j'ai le droit de me battre contre le frère de mon ami ?» Et puis finalement, il s'avère La fille du passeur qui s'énerve contre Gramoflantz aussi à un moment, parce que franchement, vu que Gauvin, c'est votre beau-frère, vous devriez pas... Oui, j'ai pas de beau-frère. Si. Mais il y a Benet, la fille du passeur, qui justement engueule. Parce que Benet, en plus, elle est amoureuse de Gauvin, donc ça ajoute au problème. C'est que mais elle veut pas que Gauvin se batte, en fait. Donc visiblement, c'est juste Perceval qui se révèle son identité là. Donc du coup, tout le monde est Perceval, le meilleur chevalier. Tout le monde est vraiment toujours très des étoiles dans les yeux dès que Perceval arrive, en fait. Et donc, finalement, ils vont se réconcilier parce que Gramoflantz aime la sœur de Gauvin, ce qui était la résolution de base de la population. Oui, parce qu'en fait, Arthur va négocier avec son cousin, le Brandelidin de Pourtonrtois, qui est l'oncle de Gramoflantz, en fait. Et en fait, vu que c'est chaque fois leur neveu, ils décident finalement de refuser en fait, le combat et dire non, maintenant vous vous réconciliez, on se dissuade. Elle a aussi vu, et puis vu qu'Orgeluse a reçu une consolation pour la mort de Sidégas, puisque maintenant elle a Gauvin. Ouais, finalement, il n'y a plus besoin qu'elle se batte. Et il y a aussi un petit sous-plot où finalement, il va reconnaître il sait que Itonge, donc son aimé Gramoflantz sait qu'Itonge a aussi un frère Gauvin, mais aussi un frère qui s'appelle Beakers, qui est donc l'autre frère de Gauvin, et qu'en fait, elle va lui envoyer un message par Beakers, donc il sait que c'est son frère, et en fait, il la reconnaît parce qu'elle ressemble à son frère, donc il peut la reconnaître comme ça, il s'embrasse. Bon, finalement, tout est bien qui finit bien. Du coup, on nous dit une ligne. En fait, Arthur est très généreux avec les femmes, non pas parce qu'il est généreux auprès des femmes, mais qu'il est généreux en femmes. Il donne des femmes. Il tonge à Grammoflant, vu qu'il il est son oncle, donc c'est lui qui décide. Il donne Condry, la sœur de Gauvin, à Lichouet. Et Florent marie Sanguive, donc la mère de Lancelot, la mère de la femme de Lot, la mère de Gauvin. Il faut créer la prochaine génération de cousins de tout le monde, de cousins oncles. Il donne les femmes de sa famille comme des cigares pas chers. Oui, ce côté très, mais littéralement, hein, Arthur est généreux en femmes, on nous dit. Donc c'est assez aussi très bizarrement possession matérielle. Très Lévi-Straussien sur la formation des alliances. Oui, c'est ça. Par l'échange de femmes. Et donc on a un grand festival de mariage, puisqu'en même temps c'est le mariage de Gauvin et d'Orgelus de Logres, donc tout le monde est très heureux, sauf bien sûr Parsifal, puisque Parsifal est loin de sa femme depuis, non même plus, parce que il y a l'année qu'il a passé l'an, puis après les 5 ans où il a erré, donc ça fait 6 ans, donc il est triste et il décide de partir à l'aube. Et en fait, en partant, donc c'est le début du livre 15, après ces longues négociations maritales et de duels. Alors, au final, personne ne se bat. Hein. Il y a juste le combat entre Parsifal et Gauvin, mais après, aucun combat, aucune joute. Ils sont tous venus à peu près pour rien. Donc, Parsifal, partant pour rejoindre sa femme et retrouver le Graal, quitte le camp, ça c'est le début du livre 15, et en fait, il va tout de suite tomber sur un riche païen, bien habillé, avec toutes ses armées, contre qui va se battre. Et en fait, c'est assez explicite, on sait que c'est le narrateur nous dit « Ah, mais en fait, c'était son frère, les deux faisaient qu'un !» Les deux ne faisaient qu'un, et ils faisaient qu'un avec leur père. Voilà, c'est très allusif, même si c'est clair que c'est fils, en fait. Mm. Et ils vont apprendre, en fait, le fils prend le dessus en pensant à son amour, la reine Secundi. Puis t'as le narrateur qui dit assez explicitement « Allez, Perceval, il faut que tu penses à l'amour de ta femme pour et à tes fils, ne rends pas tes fils orphelins. » Et c'est là qu'il révèle qu'en fait, il a eu deux fils dans l'intervalle, qui sont Lohengrin ou Lohengarin, Lohengrin, je crois que c'est Lohengrin. Lohengrin. Et Cardeitz, donc, qui est nommé d'après le frère de Conduire Amour. En fait, en pensant à sa femme et en pensant à Conduire Amour et en disant le nom de leur royaume, enfin de leur ville, Parsifal va finir par battre Ferfitz, mais il va rompre son épée, qui n'est pas l'épée qu'il devait rompre que lui avait donné. Qui n'est pas l'épée que devait rompre, que lui avait donné Amphortas, mais qui est bien l'épée qu'il a prise à Iter. Le narrateur nous dit explicitement l'épée a rompu parce que Dieu a dit qu'à ce moment-là, il devait cesser d'utiliser l'épée qu'il avait prise à un mort. Mais en fait, vu qu'il ne peut plus se battre avec une épée, Ferfitz dit « Non, mais ce ne serait pas du jeu si je vous battais, alors vous n'avez plus votre épée. » Et il révèle qui il est. En fait, c'est rigolo parce que Ferfitz dit « Ah, je suis l'Angevin, je suis l'héritier légitime du royaume d'Anjou. » Puis Perceval dit « Oh là là, attendez une minute. C'est moi, l'Angevin. » Et en fait, finalement, ils découvrent qu'ils sont les fils du même père. Et donc, ils sont très excités, ils sont tout contents de se retrouver. Et il faut dire, il y a une scène un peu chevaleresque où justement Ferfitz dit « Ah, bah si vous n'avez pas d'épée, on ne pourra pas se battre équitablement. » Puis alors, il balance son épée dans un buisson ou quelque chose. Et puis finalement, ils ne vont pas se battre. Oui, au lieu de se battre à main nue. Et c'est là qu'on nous révèle qu'en fait, Ferfitz, de nouveau, il enlève son casque et il est blanc et noir. Et en fait, c'est là Perceval réalise qu'on lui avait déjà mentionné qu'il avait un frère qui s'appelait Ferfitz, qui était noir et blanc, en fait, comme ça. Donc, du coup, c'est normal, il était au courant. Il décide donc de le ramener avec lui à Arthur, donc qu'il l'a quitté le matin, parce qu'il y a beaucoup de belles femmes à rencontrer là-bas. Ouais, il y a des belles femmes, puis après, ce qu'il y a, genre, don't mind if I do. C'est ça, you had me at women. Non, mais c'est ça, parce que Ferfitz, c'est aussi peut-être pas très subtil, mais enfin, c'est le fait qu'il est amoureux de la reine Secondi, techniquement sa femme, mais il n'a aucun scrupule à aller pour une autre femme. Donc c'est un peu l'indice que pour l'instant, il est encore païen et polygame, qu'il préfère. C'est aussi pareil, il a plusieurs dieux parce qu'il est infidèle à. Il peut pas être fidèle à un seul dieu, il est polythéiste, comme il est polygame. Il n'arrête pas d'invoquer Jupiter et Junon, les célèbres dieux sarrasins. Exactement. Donc du coup, il va rejoindre le camp d'Arthur avec Ferfitz. Il y a un grand festin, tout le monde est heureux. Et en fait, Ferfis apprend à Arthur qu'il est aussi en train de chercher le Graal, et donc du coup ils vont lister leur ils vont faire une longue liste de leurs chevaliers avec, du côté de Ferfis c'est les chevaliers qu'il a amenés avec lui, et du côté de Perceval c'est les chevaliers qu'il a battu dans sa quête contre le Graal, donc pour un peu expliciter le fait que il a quand même pas rien fait pendant que c'était les aventures de Gauvin. On a de nombreuses descriptions, notamment de l'équipement très incrusté de joaillerie que porte Ferfis. Il est très riche, on nous le dit assez régulièrement. Et en fait, Arthur inclut dans la table ronde, pour célébrer l'inclusion dans la table ronde de Gramouflante, Florent et Lichouès, célèbre un grand festin. Et c'est là qu'arrive la Kundry la sorcière, qui est toujours laide, mais qui est bien habillée ce coup-ci. On nous dit qu'elle porte de beaux vêtements qui portent le symbole du Graal, et qui tombe au pied de Perceval et d'Arthur en pleurant, et qui annonce que Perceval doit devenir le seigneur du Graal. Le Graal l'a dit, elle bénit Perceval au nom du Graal. Elle nous dit aussi que Conduire Amour, ça a été choisi pour être la reine de Perceval, et donc qu'elle est en chemin pour rejoindre Monde Salvache avec ses deux fils, et donc que Perceval peut se rendre au château du Graal avec un compagnon de son choix. Et du coup il choisit Ferfis évidemment, et il prend son départ avec Kundry pour revenir au Graal. Je tiens à dire que je trouve que c'est la révolution la plus anticlimatique et la moins intéressante de toutes les quêtes du Graal qu'on a vues. Il y a juste un moment de l'histoire où, il se trouve que tu es digne du Graal maintenant, et il y a rien qui a vraiment changé. Genre, Perceval n'a pas eu beaucoup plus d'aventures, il n'a pas changé vraiment de mode opératoire, il n'a pas appris grand chose. Genre, oui, il a eu sa pénitence auprès de son oncle, mais juste, ouais. Il est réuni avec Ferfis et puis hop. Je pense que c'est ça la symbolique, c'est l'idée qu'il est réuni avec Ferfis et donc que les deux versants sont réunis, qu'il a pu. C'est la découverte de lui-même, en fait. C'est le miroir de l'autre. Il a pu se conceptualiser par rapport à l'autre, à son autre, à son double, à son frère, mais aussi son opposé. Mais n'est-ce pas lui-même? Mais donc, interprétation bizarre à part. Je pense que c'est ça la symbolique qui est vue. C'est vrai, l'idée qu'il est réuni à l'héritage de son père et il a quand même progressé un peu. Mais disons, je trouve pas ça que c'est le récit le plus convaincant. Non, c'est clair. Et ils arrivent au château du Graal, Perceval. La défaite de Clinchor qui cause ce... Oui, peut-être. Mais c'est plutôt Gauvin qui a causé la défaite de Clinchor, en l'occurrence. Mais il peut du coup poser la question à Anfortas, mon oncle, quelle est ta douleur, ou qu'est-ce qui... Vassislose, qu'est-ce qui va pas? Il devient par élection divine roi et gardien du Graal. Anfortas est guéri, il est enfin libéré de... Il y a une description assez horrible juste avant ça, où juste avant que Perceval arrive, en fait, vu qu'ils doivent absolument le maintenir en vie en attendant que Perceval arrive, c'est limite genre la thérapie par le choc, quoi. Ils le prennent par les bras pour le mettre devant le Graal, et lui, il crie, il souffre, il veut la mort. Oui, il dit, je peux citer la tradition de Buchanger, « Si vous étiez loyaux, je sais que vous prendriez ma douleur en pitié. Combien de temps ça durera-t-il pour moi? Si vous souhaitez qu'un jour justice vous soit rendue, vous aurez à me le payer devant Dieu. Depuis le jour où j'ai pris pour la première fois les armes, j'ai toujours été de bon gré à vos ordres. J'ai commis un acte honteux, et si plus d'un d'entre vous en a été témoin, j'ai suffisamment payé pour cette faute. Si déloyauté vous est étrangère, délivrez-moi de mes souffrances au nom de cet état qui nous fait porter le haume et le bouclier. Vous m'avez souvent vu quand cela vous aurait porté sans peur l'un et l'autre pour faire œuvre de chevalerie. » Il souligne ses exploits. Mes souffrances devraient vous affliger, vous aurez vu oui dire comment ce malheur m'a frappé. Moi qui suis étranger à toute joie, je porterai plainte contre vous tous au jour du jugement dernier. Si vous ne me laissez pas mourir, ce sera pour vous la chute. Donc il est littéralement en train de hurler, laissez-moi crever. Et ils arrêtent juste de le ramener à cette pierre pour le maintenir en vie. Comment pouvez-vous conduire de cette manière? Ce serait bien malvenu de votre part de perdre votre âme à cause de moi. C'est dramatique, mais c'est très drôle. Il est littéralement. L'acharnement thérapeutique, quoi. C'est dommage que ça ne sorte pas dans des autres adaptations, parce que c'est très dramatique, en fait, le fait très cinématographique, à ce côté vraiment, tu vois Perceval qui chevauche, puis derrière lui il est encore en train de croire qu'il va connaître l'éternité de souffrance s'il n'est pas soigné. Alors du coup la légitimité, c'est qu'en fait ce qui se passe, c'est que Perceval va arriver d'un moment à l'autre et que du coup il sera libéré et guéri, mais c'est un peu dramatique sur le moment, effectivement. On décrit aussi le fait que notamment les astres ont une influence sur sa blessure, notamment Saturne. Quand Saturne est forte, sa blessure lui fait mal, parce que Saturne a une influence sur les poisons, il y a l'idée du saturnisme, etc., et du lien avec le plomb, et il a notamment certains moments, quand la lune influence, il devient très froid, il meurt de froid, il devient complètement gelé. Et du coup, ce qu'on fait à ce moment-là, et là c'est un peu glauque, c'est qu'il faut combattre le feu par le feu. Alors on lui plonge la lance qui est empoisonnée dans la plaie, et ça le réchauffe un peu, et ça contre l'effet du froid, mais ça lui fait pas du bien. Et aussi on dit qu'il y a comme une espèce de verre, comme du givre, mais du verre qui se forme sur la lance, et qu'on peut gratter, genre comme si ça extrayait le froid sous forme de... Enfin, c'est très bizarre. Oui, c'est très sang... très vraiment glauque, quoi, comme c'est décrit. Mais donc, voilà, il peut être libéré par l'arrivée de Parsifal. Par l'arrivée de Parsifal. Il y a le service du Graal qui se produit, Réponse de Joie est là. Et quand Réponse de Joie amène le Graal pour faire la procession, Féréphis est transporté par sa beauté, il devient immédiatement amoureux de la tante de Perceval, la sœur de sa mère, qui n'est pas liée du coup à Féréphis. C'est du côté maternel de Perceval qui n'est pas liée directement à Féréphis, mais ça reste quand même la tante de Perceval. Il dit d'ailleurs, tu pourras peut-être m'aider. C'est ta tante. Tu pourrais peut-être faire un t'as bon peut-être une recommandation à faire, tu pourrais être mon wingman. Et puis, mais par contre, en fait, Féréphis voit pas le Graal. Donc il voit cette belle femme et il dit, puis les gens lui disent, puis les gens commencent à remarquer que tout le monde est absolument transi par le spectacle merveilleux du Graal qui amène des trucs. Mais lui, c'est juste c'est comme dans les Looney Tunes, c'est avec les Tex Avery avec le loup qui a les yeux, les oreilles, puis là, ouh. Non, mais il voit littéralement pas le Graal et il a l'impression qu'il y a juste de la bouffe qui apparaît sur les tables miraculeusement. Il voit pas que ça sort du Graal. Et donc on lui dit, ah, mais c'est passé un païen. Et du coup, on amène un vieux mec qui apparemment a converti plus d'un enfant païen, nous dit-on. Donc apparemment, c'est un pro. Et il lui fait un catéchisme express. On amène une espèce de vasque en pierre précieuse qu'on met devant le Graal et le Graal la remplit d'eau. Donc c'est de l'eau qui sort du Graal. Ouh, c'est de l'eau spéciale. L'eau extra bénite. Extra bénite. Et puis il lui dit, est-ce que tu acceptes de renoncer, tu veux épouser. Voilà, il commence à le faire le catéchisme. Puis il dit, ah, mais je m'en fous tout ça, je veux juste épouser, Réponse de Choix. Puis il dit, bon, pour l'épouser, tu dois renoncer à ta foi et accepter la foi chrétienne. Et il accepte, littéralement pour se convertir, un peu comme Bellacan en fait, il est comme sa mère en fait, il est là, genre, ouais, j'ai aucun problème à me convertir par amour. Et il a pas l'air très convaincu par le côté théologique, mais quand même. Et on nous explique que ça, de s'aligner avec Réponse de Choix, va naître la lignée justement du prêtre Jean, hein, vous en a parlé un peu. Qui va aller évangéliser l'Inde ou Tribaliboat. Et de l'autre côté, en fait, les fils de Perceval, du coup, récupèrent. Oui, parce que entre temps, Perceval est allé rencontrer sa femme qui campait à l'extérieur de Mont-Salvache. Mmh. C'est nouveau une scène de. C'est nouveau, il la découvre endormie au petit matin avec ses fils dans le lit. Alors, du coup, ils évacuent les enfants. Et puis, une matinée d'amour assez. Bum Chikawawa. Exactement. J'allais dire vaporeuse dans le sens steaming, mais enfin. Ouais. C'est pas exactement la même chose en français, mais enfin. Matinée bien chaude, disons, dans l'attente de conduire à Mons. Et du coup, c'est rigolo parce que immédiatement, après, au moment où ils vont partir, on couronne son premier fils, son fils aîné, donc Cardaïtz, on le couronne roi de Norgal et de Wallis. Donc il a 5-6 ans. Mmh. Donc il est devenu roi et il doit laisser ses parents derrière. Puis eux, ils vont juste au château avec Lohengrin, oui, c'est ça. Donc du coup, ils laissent Cardaïtz derrière et ils vont avec Lohengrin. Et conduire à Mons, ils vont au château et en fait le petit Cardaïtz est juste roi de Norgal et de Wallis. Il a quoi, 6-7 ans, et il est juste roi sans ses parents. C'est un peu étrange la façon dont il est expédié un peu derrière. Bon, probablement il a toujours son oncle auprès de lui, puis c'est pas comme s'il connaissait bien son père, mais enfin c'est un peu curieux quand même comme procédé. Il doit avoir on ne sait pas trop comment ils pourraient avoir des âges différents si Perceval s'est barré depuis 6 ans. Ouais, ils ont, donc ils doivent, ça doit être, soit c'est des jumeaux. Non, c'est des jumeaux, il semblerait. C'est des jumeaux, ils doivent avoir 5 ans les deux. Ouais, donc 5 ou 6 ans, pas plus, parce qu'il est, parti après un an, puis après les 5 ans d'écart. Donc tout petit, il est déjà laissé loin de ses parents qui doivent rejoindre le château du Graal. Et donc après le baptême en fait, de Féréphis, il y a un petit événement qui s'est produit, c'est qu'il y a un message, un de ces fameux messages de la 8 ball du Graal qui se manifeste, où on voit sur le Graal, si jamais la main de Dieu donne l'un des Templiers pour seigneur d'un peuple étranger, celui-ci devra les dissuader de chercher à savoir son nom et son lignage, mais les aider à y faire triompher la justice. Rechte zum Helfen ou quelque chose comme ça, genre les aider au droit ou les aider, ce qui veut dire les amener à la justice ou help them to justice, help them to their rights. Il y a Jeff Campbell qui a un passage très marrant où il en fait une espèce de proclamation qui est mieux encore que la Magna Carta parce qu'elle aurait été faite avant la Magna Carta et puis ce serait une espèce de droit naturel ultime du fait qu'il faut aider tous les peuples, mais au fond, moi je vois littéralement ça comme une idéologie de croisade un peu proto-coloniale où t'as le droit de régner sur n'importe qui. Parce que comme tu disais, c'est vrai que c'est un peu le cul. Tu leur dis pas ton nom. Et tu dois pas leur dire ton nom. Pourquoi? Bah apparemment parce que le Anne Fortas voulait pas qu'on pose des questions parce que toute cette affaire avec la question, ça l'a un peu traumatisé. Oui, je crois que c'est ça l'idée, c'est que le fait que la question n'a pas été posée, donc du coup par traumatisme, ils refusent de répondre. Ils répondent pas aux questions. Ils répondent pas aux questions, donc du coup dès qu'on leur demande leur nom, c'est un peu stupide parce que l'idée de Perceval, ce serait littéralement l'idée que prendre un commandement trop littéralement, c'est pas bien. Mais là, c'est ah non, maintenant on veut plus jamais entendre parler de questions, alors que c'est ce qui nous a sauvés. Bref, c'est un peu bizarre. C'est très curieux. Mais c'est ce qui met en place l'histoire justement de Lohengrin qui va pouvoir aller être le chevalier du cygne et créer la lignée de Brabant, donc qui sera la lignée de Godefroy de Bouillon. C'est pas très explicite, mais on nous explique juste après que effectivement, bien des années plus tard, Lohengrin ou Lohengrin si on l'appelle de façon wagnerienne, est amené par un cygne auprès de la princesse de Brabant et qui va donc du coup la duchesse de Brabant, je sais plus si c'est princesse ou duchesse, enfin la dame de Brabant qui va donc ils vont donc avoir des enfants, mais elle va lui poser la question et donc du coup bah il va devoir repartir. Elle est princesse de Brabant en effet, et puis comme elle lui demande qui il est, bah il est obligé de repartir, ce qui fait le setup pour une des suites notamment du Perceval, justement le Lohengrin. Oui, ce qui est d'ailleurs une jolie note pour finir notre année, puisque cette saison notre générique a été l'ouverture du troisième acte de Lohengrin de Wagner, le tananana, oui, c'est au début de notre émission. Et d'ailleurs je pense que vous l'avez remarqué, hein, mais on a été très wagnérien en termes de musique, pour finir évidemment avec le Parsifal, mais jusque-là on était aussi entre Tannhauser, le Nibelungenlied, le Ring des Nibelungen, et puis les Tristan et Isolde, on a fait à peu près toute l'intégrale, et effectivement c'est sur ce dernier épisode que Wagner va bâtir un de ses deux grands opéras arthuriens. Moi, je pense que je soulignerais peut-être deux, trois choses qu'on aurait pu remarquer. Justement, je pense sur les... Wolfram a un côté très macho, où il s'adresse régulièrement aux femmes, et il dit généralement « les femmes, vous savez comment elles sont, moi j'aime bien les femmes quand elles sont chastes et qu'elles sont pas ». Il a un côté très macho dans son expression, je trouve. Puis il y a des moments, justement, on avait dit Gauvin, j'avais peut-être oublié de le dire, mais quand il avait justement dit à cette dame que finalement, de pardonner un peu son violeur, il avait dit « de toute façon, c'est parce que... c'est à cause de votre c'est juste votre beauté qui a suscité tout ça. » Genre, il dit basiquement bon, c'est juste que parce que vous êtes belle, vous avez suscité le désir chez lui, et puis finalement c'était pas vraiment de sa faute. Mais il y a aussi d'autres moments où justement il a l'air de penser que justement les violeurs méritent la peine de mort, notamment quand Gauvin rencontrait justement tout l'équipage de Mélian de Lys. Il y a quelqu'un qui mentionne Méliagan et qui dit femme ou fille, il prit celle dont il cherchait l'amour en leur faisant violence, on devrait le tuer pour cela. Donc il y a quand même cette idée que c'est vraiment c'est le pire crime, mais en fait c'est le seul crime, c'est la seule chose que vous pouvez faire qui est vraiment mal, à part peut-être Klingsor qui enferme des gens dans un château par sa magie, mais disons, dans les méfaits standards, c'est un peu la seule chose qui est vue négativement. Même, on l'a dit, le chevalier vermeil n'était pas vu négativement, il était juste... Ouais, puis même là, c'est pas non plus comme si Klingsor avait été condamné à une peine particulièrement lourde après pour ses méfaits au Château de la Merveille. Bon, il a été castré auparavant pour avoir commis l'adultère, disons, mais autrement, c'est pas comme s'il avait vraiment... Ouais, c'est ça, c'est un peu... C'est ce côté un peu étrange dans la façon de hiérarchiser les méfaits, mais qui est un peu logique finalement, parce que à force de pardonner à n'importe quel chevalier, pour autant qu'il se repente vaguement, pour avoir que tout le monde soit heureux, tout le monde vraiment on se tient dans les mains, kumbaya, tout le monde marie la cousine de tout le monde et on est tous heureux auprès du Graal. Il y a ce côté un peu presque, je sais pas, on est vraiment dans cette idée un peu dystopique, un peu où tout le monde est forcément heureux. Allez, si toi, allez chevalier, vous prenez votre mesure de nourriture du Graal qui vous rend heureux, n'est-ce pas? Non, je sais pas. Il y a un petit côté, ouais. Mais il y a un petit côté, tout le monde est heureux, tout le monde est ouais. Trop gentil, tout le monde est tout sous les ordres du Graal qui dirige tout. Il y a ce côté très déterministe finalement. Oui, ils sont même vus de façon assez belliqueuse. C'est-à-dire que quand on les mentionne avant qu'on les voie, les gens mentionnent Canforta, c'est vraiment à la tête d'une espèce de force assez formidable de guerriers qui vont dans les royaumes qui n'ont plus droit. Donc c'est l'idée que les Templiers, ils sont envoyés par le Graal justement là où il y a des vides de pouvoir un peu et qui peuvent le remplir. Je pense qu'il y a l'idée, une idée très messianique de liée aux croisades et à la conquête de l'Orient et à leur conversion. Il faut dire que c'est l'époque où on a justement les idées qui sont mentionnées des cisterciens comme Joachim de Flore, qui montre un peu vraiment les sarrasins comme les derniers persécuteurs de l'Église. Quoi. C'est vraiment c'est la fin des temps, et puis c'est la dernière persécution avant qu'on reconquiert Jérusalem et qu'on instagne un millénium de paix. J'ai l'impression que Parsifal fait un peu le rôle vis-à-vis des templiers, des ordres de chevaliers militaires, disons, le rôle que certains autres textes arthuriens ont par rapport justement aux cisterciens, aux clergés monastiques en général, aux ordres religieux, purement contemplatifs ou missionnaires. Là, c'est purement les ordres militaires qui sont un peu la focalisation centrale. Il y a des moines, il y a des ermites, mais ils n'ont pas un rôle aussi fort que peuvent l'avoir les moines et les ermites dans le l'Anseau Graal, par exemple, dans la Vulgate en prose. Donc, je trouve qu'il y a vraiment ce côté très particulier du fait que ce soit cet ordre de chevalerie qui est vraiment là présenté comme une espèce de force armée, effectivement, de Dieu directement, en fait. Mais il faut aussi dire que même s'il y a vraiment cette idée de croisade et de très portée sur la conversion, il y a aussi une humanisation très forte, comme on l'a déjà dit, de ces sarrasins païens. Il y a toujours ce mélange entre les noirs, les sarrasins, les païens, c'est un peu confus. Bon, je pense que c'est lié à l'idée de conversion, parce que tu peux pas avoir vraiment de conversion si tu présentes si les ennemis sont des espèces d'orques, de vagues orques monstrueux qui sont voués à la destruction. Tu peux pas avoir une entreprise de conversion, donc t'es nécessaire une entreprise. Non, t'as la solution du père Lesbos qui il en massacre 3000 et puis il y en a 10 dans le tas qui étaient bons et puis il les garde. Donc ouais, c'est vraiment tuer les tous. C'est puis... dur connaître Alessia. Alors que là, on a vraiment cette idée que Ferefis, c'est un chevalier preux, loyal, noble, etc. C'est juste qu'il n'est pas chrétien, il lui manque juste ça en fait. C'est la seule frontière qu'il y a avec eux, c'est celle de la foi. Et j'ai l'impression que c'est plutôt ce côté, j'ai pas envie de dire qu'il est anti-ecclésiastique parce qu'il ne l'est pas, mais il est beaucoup plus distant par rapport à l'Église et aux institutions de l'Église. Même par rapport aux ordres de chevalerie, on l'a dit, c'est ce côté presque templier, mais c'est même pas explicite et c'est certainement pas un ordre qui est lié à l'Église, au pape ou bien à des évêques. L'ordre du Graal est purement en dehors de tout ça. Même le côté du service du Graal chez les successeurs de chrétiens, c'est une Église parallèle, mais c'est quand même une Église. L'idée est que les servants du Graal sont un peu les premiers évêques, sont une succession d'évêques parallèles qui n'est pas dérivée de Pierre et des premiers des apôtres du Christ, mais vraiment ont quand même été ordonnés personnellement, ont quand même été consacrés par un biais différent, mais font partie d'une Église existante avec une hiérarchie. Là, pas vraiment. On est vraiment... c'est comme si ces chevaliers un peu autonomes étaient en dehors de ces considérations-là. Ils ont vraiment ce lien direct avec le ciel, sans intermédiaire autre que le Graal lui-même. Il faut aussi dire qu'à l'époque, on a effectivement des appels à convertir les musulmans, notamment Joachim de Fiore qui encourage la mission auprès des Sarrasins, mais aussi des gens comme Jacques de Vitry, évêque d'Acre, et on a aussi, je sais pas, François d'Assise qui tient à l'évangélisation des Sarrasins comme aussi un moyen de renouveau, en fait. Ils disent c'est une espèce de potentiel pour l'Église, justement, d'incorporer tous ces gens dedans. Nihil novis upsole. Et il prêche, j'ai l'impression. Il prêche notamment, je crois qu'il va prêcher en Égypte auprès du sultan. Oui, Saint François d'Assise, il va voyager. Donc c'est quelque chose qui est possible. C'est pas forcément présent là, comme on l'a dit, le clergé est pas vraiment présent dans ce roman, mais il y a l'idée justement de conversion, puis la conversion par amour en fait. Et c'est vraiment le rôle de l'amour, c'est vraiment mettre toute l'idéologie courtoise française au service de cette idée de conversion. Oui, parce que l'idéologie courtoise française est d'ailleurs beaucoup moins questionnée là-dedans. Elle est vraiment prise très littéralement et très sexuellement aussi. Alors que l'amour courtois n'a pas forcément de relation charnelle derrière. Nécessairement, c'est une version un peu idéalisée dans la version littéraire qu'on a vue jusque-là. Non, surtout pour ce qui consiste, pour Perceval en tout cas. Ouais. Alors que là, on a un peu l'opposé. C'est vraiment déjà beaucoup moins remis en question. Et c'est beaucoup plus, disons, littéral et charnel. On n'a pas vraiment charnel. Cette dimension de l'amour courtois porté à la femme du Seigneur, qui est une manière médiée de révéler. De porter l'amour pour le Seigneur. En fait. Porter l'amour pour le Seigneur. Et puis c'est plus ou moins chaste ou en secret ou comme ça. Là, c'est vraiment, on a une femme, et puis peut-être qu'elle a eu un ami, elle a vraiment un ami à la fois, puis peut-être qu'elle en a tué 5 sur le chemin en les envoyant faire des aventures, mais on n'en a qu'une. Ouais, quand il y a des. Il n'y a jamais vraiment de. Bah, le seul adultère qui me semble, qu'on peut qualifier d'adultère vraiment, c'est celui de Clinchor, qui est lourdement puni. Clinchor qui est lourdement puni, ou Ferefis qui abandonne sa femme, mais c'est une païenne, alors c'est pas grave. Voilà. Et encore, c'était pas clair qu'ils étaient mariés. Ouais, donc, c'était dans une relation ouverte. C'était un peu étrange. Et c'était l'implication, je pense, c'est vraiment ça, c'est que tant qu'il n'a pas renoncé au polythéisme, il n'a pas vraiment non plus renoncé à la polygamie, d'où le fait qu'il a une amie, mais il veut bien aller séduire les petites femmes de Kaamelott dans son temps libre. Il y a ce côté un peu, voilà, disons, polygame dans l'âme, tant qu'il est encore polythéiste. C'est à peu près... Il y a juste un passage que je voulais partager qui est assez marrant, c'est justement quand... la reine défend Antigone que Gauvin séduit. Quand à un moment, tout le monde est en train de tomber sur le roi, sur Vergulate, parce qu'ils sont là, mais c'est pas normal que vous le tuiez. Elle lui dit « Seigneur Vergulate, si Dieu avait voulu que je fusse un homme et que je portasse l'épée à titre de chevalier, je vous aurais fait passer l'envie de combattre. Je n'étais qu'une jeune fille sans défense, mais je portais un bouclier avec armoiries fort honorables, je vous les nommerai si vous voulez les connaître. » Et puis elle dit littéralement que « Bah ouais, mais même si je suis une femme, cadre au respect, le code de masculin, de bon comportement. » Puis elle dit « Bah si j'étais un homme, je vous battrais bien le cul. » Puis il y a deux, trois passages comme ça, où par exemple Gauvin voit une femme qui porte un bouclier qui est abîmé. Je sais plus exactement comment, mais il rencontre une femme qui porte un bouclier abîmé et il se dit, mais qui est cette femme qui porte le bouclier et qui aura des. Puis il dit, je sais plus, il y a un passage où il dit justement les femmes qui, par les circonstances ou par des circonstances difficiles, c'est pas approprié pour les femmes, à part celles qui, dans des circonstances difficiles, doivent justement avoir le visage marqué par de la rouille. Il y a une inquiétude vraiment. Et il mentionne notamment l'héroïne de l'Énéas roman, une des héroïnes de l'Énéas roman qui, elle, porte les armes à un moment, donc l'héroïne épique. J'ai l'impression que c'est vraiment ce côté très. Des rôles assignés qui doivent être respectés. Beaucoup plus peut-être là-dedans que dans d'autres. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le rôle des gens. Les chevaliers sont tous des chevaliers bien héroïques, bien forts. Et même dans le cas de même si Gauvin effectivement dit ça, dans le roman en tant que tel, il n'y a pas tellement de femmes qui vont à l'encontre de ça, à l'opposé de ce qu'on pouvait trouver par exemple dans la Vulgate en prose. D'ailleurs, il revalorise même qu'eux, en fait. Il dit que c'est chrétien, et puis les Français, ils parlent mal de qu'eux. Puis il y a une tradition allemande de qu'eux comme quelqu'un de revalorisé qui se présente ici aussi. Oui, exactement. Alors, c'est peut-être ça aussi, le fait que tout. Ça explique aussi peut-être que la rédemption soit relativement facile pour ces hommes, parce que tous ces chevaliers, finalement, c'est des chevaliers. On doit attendre, on doit quand même, certes on doit avoir des autres attentes d'eux, mais fondamentalement ils sont tous bons et tous peuvent rejoindre le service d'Arthur, pour autant qu'il fasse juste un monde honorable. Mais voilà, c'est ce côté vraiment très très, cette possibilité de rédemption qui est quasi universelle dans le texte, qui me pousse aussi à me porter de ce côté vraiment un peu, il y a des rôles bien précis et on doit tous les remplir. Il n'y a pas possibilité vraiment d'avoir des personnes qui remplissent mal ces rôles. Il n'y a pas vraiment de mauvais... Même les mauvais chevaliers finissent par être des bons chevaliers. C'est un peu ce côté... Il n'y a pas de perdant. Tout le monde a une médaille de bon chevalier à la fin, mais qui est justifiée parce qu'ils sont tous finalement vraiment des bons chevaliers. Ce n'est pas simplement qu'on les excuse. Ils font leur chemin vers le positif. Et c'est peut-être ce côté vraiment très... C'est peut-être lié aussi simplement au corporatisme de Wolfram von Eschenbach, qui est un chevalier lui-même, qui a un intérêt à présenter lui-même et ses compagnons comme des gens, disons, de bonne réputation, et c'est héroïque. C'est un procédé assez... c'est rigolo parce que c'est un procédé un peu similaire à ce qu'on trouve dans une moindre mesure, parce qu'il y a aussi des mauvais chevaliers chez Mallory. Mais chez Mallory, cette défense un peu de la chevalerie qui est attaquée fait un peu écho peut-être à ça aussi, à ce côté, disons, de la tentation qu'il y aurait de présenter des bons et des mauvais chevaliers, là, non, on est vraiment dans une chevalerie exclusivement bonne. Voilà, je pense qu'on peut conclure cet examen du Parzival de Wolfram von Eschenbach, une œuvre très importante pour la littérature médiévale allemande, un peu moins pour la littérature arthurienne, qui crée une tradition allemande qui est un peu restée, elle, confinée à la langue allemande. Ou à Wagner. Ou à Wagner, mais justement, aujourd'hui, elle a un certain impact sur certaines interprétations. Si vous lisez les interprétations ésotériques du Graal, c'est-à-dire les gens qui, aujourd'hui, essaient de retrouver le Graal ou le sens alchimique du Graal, c'est inévitable que vous tombiez dessus, donc c'est clair que si vous ne le lisez pas, vous n'allez pas comprendre grand-chose de ce côté-là. Moi, je dirais que c'est intéressant de le lire. Ma traduction, en tout cas, m'a exposé à un type tout à fait différent de littérature arthurienne de ce qu'on avait vu jusque-là. Oui. Ce côté beaucoup plus, justement, germanique de la structure du texte. Je sais que je reviens dessus, mais c'est vraiment très rigolo pour quelqu'un qui, comme moi, est habitué à lire de la littérature en moyen anglais ou en vieil anglais, voire même en vieux norrois. C'est ce côté très reconnaissable, très typique de la structure des phrases, de la structure des... la façon dont on parle des héros et des chevaliers qui est assez intéressante là-dedans. Après, c'est aussi plus, il y a aussi plus, il se passe plus de choses que chez Chrétien. Bêtement, oui. C'est plus, il y a plus de tension, il y a plus de détails. Et ça beaucoup plus, ça fourmille vraiment de petits détails qu'on peut, sur lesquels on peut s'appuyer pour explorer des tas de problématiques différentes aussi. Mmh. On l'a pas beaucoup touché, mais on l'a dit, hein, il parle de façon très détaillée des fêtes de la guerre, du fait d'être un chevalier. Il y a beaucoup de petits détails qui peignent un portrait très vif, même si, paradoxalement, il y a ce côté très high fantasy, finalement. Ouais. C'est un peu, effectivement, c'est un peu, il est un peu à Chrétien ce que les successeurs de Tolkien sont à Tolkien, en fait. Il condense un peu les idées absolument du merveilleux arthurien, et en fait quelque chose de beaucoup plus dense et beaucoup plus fantastique et beaucoup plus merveilleux, beaucoup moins réaliste. Mais d'un autre côté, il y ajoute une forte dose de peinture très réaliste, très vivante en fait, qui rend la chose intéressante à lire, même si elle reste très dense et parfois compliquée à suivre. Il y a ce côté vraiment, comme tu l'as dit, ésotérique et ses liens avec le passé du Graal qui sont totalement différents chez Chrétien. On a moins exploré, on en a moins parlé que je pensais qu'on passerait plus de temps à parler du Graal, mais en fait finalement c'est vrai qu'il est assez ancillaire finalement par rapport au reste de l'histoire. Il a ce côté très non, les gens aiment bien, les gens je pense ont besoin d'une espèce d'énorme explication ésotérique, justement parce qu'il n'y a pas grand chose qu'on vous dit dessus. On vous dit que c'est une pierre qui sauve, qui est liée au phénix, qui est liée à la renaissance et à la vie, mais finalement c'est pas si énigmatique que ça. En fait, le fait que ça soit devenu une pierre, il y a différentes théories. Martin Orel pensait notamment que peut-être c'est lié à un verre qui était... Il y avait un calice, un saint calice qui était gardé en Italie et dont on prétendait... Il était fait en verre, mais on prétendait qu'il était taillé dans une pierre qui était tombée du ciel. Et il a été cassé du temps de Napoléon, je crois, dans des troubles politiques. Mais pendant longtemps, on pensait que ça existait. Donc Martin Orel pense que ce serait peut-être un relais possible, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des saints calices attribué à avoir été le calice, qui sont faits en pierre tombée du ciel. Ils pensent que ce genre d'artefact, ouais, aurait pu être un relais entre les deux idées. Enfin, l'association avec la météorite tombée des cieux, ça me paraît assez évident de toute façon. Donc, c'est clair que c'est une tentative complètement différente. Ou alors un lien avec les bérylles, les bétiles, les pierres noires, de l'Orient. Bah, c'est un texte qui a beaucoup à voir avec l'Orient et qui a beaucoup de liens qui ne tirent pas de Chrétien, mais qui sont liés vraiment de... Non, il y a un passage où il y a effectivement cite possible, notamment les noms des planètes en arabe. Donc il y a possiblement, effectivement, la revendication, disons, de tenir son texte d'un provençal qui tient lui-même son texte d'un espagnol peut pousser à penser qu'il y a effectivement des sources espagnoles ou en tout cas une fascination pour l'Orient. Par sources interposées, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans l'histoire d'El Saint Graal, où justement tous les textes qui reviennent de des croisés, tous les textes qui parlent de l'Orient, c'est quelque chose qui fascine énormément et qui nourrit ça. Et après tout, les textes sur les merveilles de l'Orient, c'est un lieu commun de la littérature européenne dès la Rome antique. Hein, y a pas de... Les phénix d'Arabie, en vieil anglais, vous trouvez des tas de textes sur les merveilles de l'Orient, les animaux fantastiques, les pierres fantastiques, les phénix fantastiques que vous trouvez là-bas. C'est quelque chose qui est très présent dans l'imaginaire, même bien avant les croisades. Hein. Donc, c'est pas étonnant, effectivement, que ça ait eu une survivance dans le Parsifal. Voilà pour cette année. On a pris plus de temps pour parler du Parsifal qu'on pensait que ce serait... Bon, je m'y attendais, honnêtement. Je pensais que ce serait quand même plus court que les... 2h40, pratiquement 3h que... Bah malheureusement, on aurait pu faire beaucoup plus court si on n'avait pas du tout... Si on avait juste dit, oh ça c'est juste comme chez Chrétien, et puis qu'on avait parlé que des différences, mais aurait pu... ça devient un peu petit aussi, je pense. C'est aussi intéressant, je pense, de s'intéresser aux petites différences, parce que ça peint vraiment... Ça illustre, je pense, les différences avec Chrétien qui sont importantes. Je pense que ça illustre vraiment ce côté très très différent de l'origine de l'auteur et de son passé, et ce en quoi ça informe son travail. Et je pense que ça fait aussi l'intérêt de Parsifal. C'est pas simplement par rapport peut-être à Hartmann von Euye qui apporte moins à ses réécritures de Chrétien. Ça vaut la peine, je pense, de lire Parsifal, même si c'est dense, même si c'est compliqué à lire. Sur ce, on vous souhaite une bonne fin d'année pour cette deuxième année de Rex Condam, Rex Foucault. Exactement, et on vous retrouve. De bonnes fêtes. Et puis on vous retrouvera en février, début février. Ce coup-ci, on va revenir à notre horaire un peu habituel qui a été décalé à la moitié du mois. Je pense qu'on vous retrouvera de nouveau le premier mercredi de février si tout va bien. Dans quelques semaines. Donc, du coup, à très bientôt et bonne fête encore. Et rappelez-vous, la quête continue.